lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Jean-François des Douchebags qui vous accueille au douteux avec les 70%. Et en manchette ce soir, accident avec blessure, accident mortel et sabotage superstitieux. Et ce soir, un line-up tout en équité avec vos chroniqueurs Marie-Pierre Simard, la reine, Florence Payette, Mathieu Boudreau, Oscar Sorti et Moustapha Chabli, ainsi que nos invités Laurence Bazmoret et Sébastien Henry en direct du bois à Montréal. C'est 70% de la surface de tes oreilles qui est recouverte de 70%. Pourquoi donc se donner à fond dans un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement un tout petit peu. C'est mieux que rien, contentons-nous-en les copains. Ensemble on donne 70%. Ou on pourrait réduire la famille, reconstruire des pays en ruine, se bâtir un monde utopique où règne la paix et l'harmonie. Si on se donne au maximum, ou on passe vite, moi je donnerai pas plus que mon 70%. C'est devenu ma philosophie, j'espère que ce sera la vôtre aussi. Toujours donner au mieux son 70%. Ah, de toute beauté, merci beaucoup! Hey. Georges Matiluna, notre house band pour toute la soirée. Comment ça se passe, Georges? Ça va. Tu vois, il est extatique. Je suis plein d'enthousiasme. Ben oui, on est content de t'avoir avec nous. 70% qui commence. C'est vraiment loadé ce soir. Fait que je veux résumer la grosse nouvelle de l'heure. C'est le fait que Radulov ait décidé de refuser de jouer à Montréal pour le même salaire, mais un contrat d'une année de moins. On sent tabarnak. J'ai pas peur d'aller jusque-là. Et sinon, ce 70%, comme d'habitude, on est accueillant avec deux invités, on peut dire ça comme ça. Baz et Seb, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. C'est ça, avec de la vigueur, quelque chose. Là. Ah, ça, Brestier. C'est notre public, on l'aime bien gros, hein. Sans lui, il n'y aurait pas beaucoup de raisons de faire ce qu'on fait. Ah, puis d'ailleurs, il y a du monde en ligne. Et le monde en ligne, c'est beaucoup grâce à Alexandre Larocque et Stéphane Mallette et Olivier là-bas, notre équipe technique avec Mathieu Potvin. Ouais, d'habitude, j'en parle au début, puis après, je présente les invités. Je m'excuse. Comment ça va, Seb? Ça va bien. Je me suis envenu en bike, puis je suis encore essoufflé. Il faut que j'arrête de fumer, mais ouais, ça va. J'aime ça, tu t'habilles comme ça dans la vie, genre. Ouais. Ah, c'est cool, man. Je te jure, je te comprends d'une manière weird. moi, je m'habille avec un suit de ninja pour aller travailler. Fait que j'étais dans le métro habillé en ninja, puis là, j'arrivais au Dragon Rouge où je me changeais après ça en suit de dragon médiéval. Puis là, après ça, quand ça c'était fini, mais j'allais me rechanger en suit de ninja pour pogner le métro pour retourner chez nous. Wow! C'était des beaux moments. Je me suis déguisé pendant un mois, à chaque jour, un déguisement par jour pour le fun. T'as-tu comme un rack dans ta chambre chez Bou? Ouais. Ben, pas dans ma chambre, dans un garde-robe, là, puis au bureau. Ouais. Le meilleur moment, c'est quand il était déguisé en Superman, puis il était chez Walmart en train de chercher un autre déguisement. Il y a des moments un peu weird. C'est pas l'Halloween. Réception, ouais, c'est ça, c'est pas méta-journée, on adore ça. Sinon, vous êtes cinéaste ensemble. C'est votre projet à long terme. Il n'y en a aucun qui pense à un projet solo. On ne peut pas en parler tout de suite. Non, mais ça fait pas loin de 10 ans qu'on travaille ensemble, qu'on fait nos projets solo sur le side. Mais chaque projet, par hasard, un peu nos projets d'importance, on a toujours eu envie de collaborer. Puis tranquillement, naturellement, ça a monté, c'est devenu de plus en plus gros. Et là, c'est même pas comme un mariage forcé ou rien, c'est juste l'amour est venu naturellement. Je pense qu'on a le même type d'humour et de réflexion. Fait que, ça nous aidait parce qu'on se pousse à être plus cave ou à être meilleur. Comme Drug 25. Voilà. Le Joint 25, ils ont dit que la méthode pour écrire des tunes, c'est que tout ce qui dégoûtait l'autre, il faisait. Puis tout ce que lui écrivait qui dégoûtait l'autre, ça devenait dans la tune. Fait que, tu sais, ça se lance la porte. J'adore que notre première référence soit Joint 25. Ouais. Ça part bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là. Moi aussi, j'ai un sens de l'humour spécial. OK, parfait. Des fois, en tout cas, j'espère. Ça m'aide avec les filles. Vous autres, les filles, ça va-tu bien? Les filles? Cinéaste, là. En plus, vous avez un film à Fantasia. Moi, comme je disais à ma mère, en ce moment, c'est tranquille. Puis ma mère, quand je dis tranquille, elle sait que ça, c'est pas tranquille. Fait qu'en ce moment, c'est tranquille. Salut à ta mère. Salut pour l'agacer. Ben moi, j'ai une blonde qui est à côté de la blonde, là, juste là, avec la casquette. Ah, je t'assure que c'est ta sœur. Non, c'est... J'ai déjà une blonde, fait que ma vie avec les filles, c'est bien relax depuis. Ben, ça va bien, tu vois. Ben, ça va très bien, ben oui. Je suis très content. Sinon, là, vous avez un film à Fantasia. Oui. Est-ce que vous jouez à Magic? Moi, j'ai joué à Magic. Ah, tabarnak! mais je joue plus, mais j'ai joué de 11 c'est à comme, c'est comme les juifs hassidiques, là. Ils trouvent que les juifs qui sont pas hassidiques, c'est une plus grosse perte. Tu vois ce que je veux dire? T'étais tellement proche! Mais j'habitais à Verdun, puis il y a deux centres de Magic, puis je me suis racheté des decks. J'ai joué, puis c'est ça. Ça va mais revenir. Ça peut être t'es encore, hein? Ça peut être fais moins encore. Câlin, fais moins encore. Câlin. C'est correct, ça il y a passe. Des decks, Tommy. J'ai des decks, j'ai des lands. Il y a des decks. Mais je sais pas si ça peut peser dans la balance, mais dimanche, on a joué à Cthulhu Wars. T'as même pas été capable de le dire. Non, c'est ma première fois, là. C'est pas tout le monde qui a TV et Internet. Et puis sinon, là, vous jouez pas à Magic. Une autre affaire que j'aime beaucoup jaser avec nos invités avant de se lancer de... Avez-vous une histoire de fantôme? Hey, j'en ai une. T'en as-tu? Toi, t'en as une, je m'en souviens. Ouais, moi, j'en ai une. Vas-y. Quand j'habitais sur la rue Sherbrooke-Clark dans un sous-sol, à un moment donné, mon vinyle s'est mis à partir tout seul, puis il avait comme buggé, puis ça faisait comme Leave the house. Genre. Vous l'aviez filmé aussi? Je l'avais filmé, pas vrai. Je l'avais filmé. Il y a quelque part sur Facebook, on vous l'enverra. C'est donc ben weird, ouais. C'est vrai. Ben, c'est vrai. C'est vrai que c'est arrivé, je sais pas. C'est ça. C'est après ça, fantôme, coïncidence, vengeance d'un voisin qui trouve que t'enlèves pas assez de linge. J'ai deux chiens qui sont capotes. Ça peut être bien des affaires. Ça peut, oui. Mais ça reste creep. Ça reste creep. C'est ça. L'appart était creep. T'sais, c'était comme vieille grotte. Creep, là. Ouais. Demi sous-sol à Clark, Sherbrooke. On va passer à l'autre. Il a l'air de vouloir parler. Vas-y, Baz. Non, je pense pas que j'ai d'histoire de fantôme. Ben, une histoire de tir au poignet, d'abord. Une histoire de tir au poignet? Tu veux une histoire, en fait. C'est ce que non, tu veux. J'ai demandé une histoire de tir au poignet ou une histoire de fantôme. Toi, t'as décidé que t'en avais pas. J'en ai pas. C'est ça, ta contrainte. La même. Ben non, mais tu peux me parler d'autre chose. Je veux pas qu'on soit bête, là. Anecdote comparée. OK, ben gars, le show est loin d'être fini. Vous avez des micros tout le long. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. On fait semblant de les écouter. On rit, quelques autres rient. Comme ça, ça nous donne un indice. Puis c'est sûr qu'on va reparler d'autres affaires pendant que ce qui se passe. Je vais chercher mon histoire de fantôme. Ben, ouais. Sinon, vous êtes sur Facebook. C'est un duo base et... On n'a pas de page publique. Sébastien Landry, Laurence Baz-Morais. Ça va arriver. Ça va arriver. T'es la plus barbue sinon, des Laurence, c'est sûr. Le film, lui, y a-tu une page Facebook, votre film? Ça c'est une longue histoire. On n'a pas eu le droit de faire de page Facebook pour le film à cause des diffuseurs. Ouais. Il y en avait une, il n'y en a plus. Mais on peut dire que Polyvalente, notre comédie musicale, elle a une page Facebook. Et voilà. Fait que si vous voulez aller voir le Polyvalente, la comédie musicale. Et voilà. Hey, c'est Baz et Seb. On les applaudit, s'il vous plaît. À partir de maintenant, ben, vas-y, Georges, amène-nous dans 70%. Dap, dap, dap, do, dap. Dap, dap, dap, do, dap. Yeah, yeah. Dap, dap, dap, do, dap. Dap. Dap, dap, do, dap. Yeah! Oh. Merci. C'était pas de moi, c'était les frères Hanson. C'était les frères Hanson. Les frères Hanson. Tout sauf de la style de route bien. Un homme de Hastings au Minnesota a été arrêté par un policier la semaine dernière pour des accusations criminelles de possession de substances contrôlées. Lors de son arrestation, le suspect de 35 ans a rapidement sorti une carte de Monopoly permettant de sortir de prison gratuitement qu'il a donnée au policier. Il semblerait que ajouter la mention Monopoly après n'importe quel bien rend l'objet en question inutilisable dans la vraie vie. Le policier lui a quand même donné un A pour l'effort. Ce qui fait qu'on a parlé de lui. Exactement. Ouais, ouais, bravo, t'as gagné, gars. Ben, t'as perdu, mais t'as perdu comme un champion. Ouais, ça aussi, ouais. Un instructeur de bungee espagnol fait face à des accusations d'homicide involontaire après que l'une de ses clientes ait sauté dans le vide sans être attachée suite à un malentendu. Il semblerait effectivement qu'à cause de son fort accent espagnol, alors qu'il parlait anglais à la femme, la cliente ait mal compris ses instructions. L'instructeur voulait apparemment dire à sa cliente de ne pas sauter en disant les mots « no jump ». Mais la jeune femme aurait compris « now jump ». Mais c'est-tu sérieux, ça? C'est arrivé pour de vrai. Wow. Fait que des accusations ont été lancées à quoi? De qui? Homicide involontaire. Merci. Je suis désolé. Aïe, c'est le procès le plus lame de la vie, là. OK, next. Ouais, mais elle était pas là, là. Elle était mêlée, là. Elle avait... elle était pas attachée du tout. Non, elle était pas attachée, ouais. Pas tout. Ouais. C'est bizarre. Un homme et une femme du Minnesota produisaient une vidéo dans laquelle la jeune femme de 19 ans tirait dans le torse de son mari de 22 ans avec un revolver alors qu'il se protégeait avec un livre, quand le prévisible est arrivé. Est-ce qu'on sait c'était quoi le livre? Oui, le livre n'a donc pas arrêté la balle et l'homme est décédé sous un tonnerre de slow clap. La vidéo que la jeune femme avait appelée probablement la vidéo la plus dangereuse de l'histoire sur Twitter à quelques heures avant l'incident a été confisquée par les autorités. La jeune femme, qui est également enceinte de son mari, feu son mari, a été accusée d'homicide involontaire, elle aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. Hey, il paraît que YouTube serait en cause dans cette histoire. Des views seraient en cause dans cette histoire. Mais on sait pas c'est quoi le livre avec lequel... C'est vrai que je me suis pas informé sur le livre, mais écoute, on va pas en reparler la semaine prochaine. Tant que c'est pas un livre à courte échelle, c'est tout. Non, c'est ça. C'est une promesse. Merci beaucoup, Bruno. Tu reviens plus tard dans l'émission. Avec plaisir. De toute beauté. Let's go, Georges. On passe au prochain. Bébé, quand tu danses, les choses que je pense se frôlent la naissance, toi et moi, attention un peu, c'est chaud, c'est dangereux, ce soir je te ferai avec toi, etc. Wow, merci. Ah, tu viens de te faire introduire en esti. Je suis tout émoustillé. Ouais. Grosse semaine, Tommy? Oui, on est allé au chalet avec ma job, il y avait un sauna, un spa, puis on parle pas vraiment de ça dans le fond. Ouais. Non, ouais. OK, je t'écoute. Ben moi j'ai eu une grosse semaine, j'ai déménagé cette semaine, c'était le fun, et puis hier j'ai expérimenté, j'ai mis, tu sais la sauce Big Mac qu'ils vendent en épicerie maintenant, j'ai mis ça comme sur des boulettes de faux poulet végé, et j'ai encore mal au cœur. Ça pour dire que quand t'as pas besoin de donner du goût à quelque chose comme la sauce Big Mac, ça sert à rien. Et ce qui m'a inspiré une tirade contre le progrès, parce que finalement je trouve que ça n'a pas de sens. Je parle de progrès et surtout l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Tu sais, comme les gens qui se tirent dessus sur Internet, c'est un peu de la faute du progrès. Et puis je me dis, pourquoi on n'arrête pas le progrès? Parce qu'on a commis plusieurs crimes. Ouais. Fait qu'est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à le trouver parce qu'il se défile comme Carmen Sandiego ou Jean Charest? Et puis qu'on n'arrive pas à l'attraper puis le faire comparer devant un jury de ses pairs pour qu'il puisse enfin répondre de ses crimes. Ou sinon, c'est une autre expression comme on ne réveille pas un chien qui dort. Est-ce que si on n'arrête pas le progrès comme dans ce sens-là, comme dans si on le fait, quelque chose d'horrible va arriver? Parce que... Mais j'ai déjà réveillé mon chien qui dormait et on a passé une très belle journée. on s'est lancé la baballe toute la journée puis on a parti des rumeurs sur mon ex. C'était tellement le fun. C'est le meilleur. On la salue. Tout. On la, oui. On la salue. Et c'est ce qu'elle a fait. mais bon, en fond, je pense que j'ai appelé mon enfant Progrès, en fait, pour que, comme ça, quand il y a comme un crime, elle peut la recrue policière, vient pour l'arrêter. Puis là, son boss arrive et fait comme Tourangeau, qu'est-ce que tu fais? C'est qu'on n'arrête pas le progrès. Puis là, mon fils s'en va. Voler d'autres banques. Foolproof. Enfin, tout ça pour dire, ben, il me semble. Ben, ça me fait penser justement à ta nouvelle de tantôt. Tu pourrais y rajouter une carte de sortie de prison de Monopoly. Oui, exactement. Pour de... On n'arrête pas le progrès avec son permis de conduire. Là, la police, à un moment donné, à force de donner des A pour l'effort, ça... Les gens venant par passer. C'est vrai. Enfin. Donc... Et non, mais ce qui, je trouve ça horrible comment les gens vendent le progrès. Maintenant, je sais pas si t'es allé au cinéma comme dernièrement. Non. Mais c'est majoritairement comme des pubs de chars maintenant, comme, et des films de super-héros. Et puis tu sais pas comme qu'est-ce qui est quoi, là, généralement, comme quand est-ce que les pubs de chars arrêtent, quand est-ce que les films de super-héros commencent. Et puis il y a une pub de chars que j'ai vue qui dit « Nous avons réinventé l'intelligence. Nous avons redéfini l'intelligence, même redéfini l'intelligence. » T'es comme... C'est, ils se vendent ça comme du progrès alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est appeler comme la rousse. Fait comme, oui, bonjour, j'aime redéfinir l'intelligence. Mais en ce moment, c'est la capacité de l'humain de s'adapter puis de réfléchir. On aimerait changer ça pour, des chars qui savent quand il pleut. C'est des affaires de même. Des comme, tant qu'à être long, peux-tu redéfinir écologie ou juste l'enlever du dictionnaire complètement, c'est tant qu'à ça. Surtout que c'est rapidement devenu standard, ces options un petit peu brain dead-là. Ben, c'est, on n'arrête pas le progrès, Tommy. C'est ça, c'est ça. Mais toutes ces affaires-là, moi, ce qui m'offusque, c'est que toutes ces affaires-là arrivent sans que personne t'avertisse. Comme, tu sais, Snapchat, là, la carte. Comme c'est des choses qu'on a fait des science-fiction depuis 30 ans, puis soudainement, comme ça arrive, puis tout le monde est comme, ah, mais OK. Ben oui. Les imprimantes 3D, enfin, Tupac qui arrive en hologramme, calé, c'est comme, faites une conférence de presse avant, quelque chose. Est-ce que je suis en train de perdre les gens, Tommy? Non, je pense pas. Parfait. Non, la monde t'écoute, là, c'est sûr. Donc, j'ai écrit, les tumeurs aussi, ça progresse. Hein? Puis ça, on n'est pas pour. On est même très contre. Bref, tout ça revient à la définition qu'on fait du progrès, Tommy. C'est une question étymologique, n'est-ce pas? Et comme il y a des gens sur Internet, tu sais, des progressistes sur Internet qui s'approprient le progrès. Mais moi, des fois, je trouve que ce serait du progrès que de ne pas faire le procès de tout le monde sur Internet. Par exemple... Ça serait pas pire. Bref, c'est une note éditoriale. Et sur ça, je vais laisser le podcast. Progresser! On s'est fait octaver, merci beaucoup. Oh, laisse ça là, le prochain va s'en servir comme il faut. Capoter, hein? Avoir peur du progrès, hein? Ça c'est un sport humain en tabarnak. Hein? Saviez-vous que l'animal, à part l'être humain, qui a le plus d'incidence sur son habitat? C'est le castor. C'est le castor. C'est capoté, hein? Parce que il fait des barrages. Puis là, c'est ça. Fait qu'on peut déjà passer faire un film sur les castors? Non, mais on a des lamantins dans Game of Dead, par contre. Oh, yeah. J'ai vu le film Zombiever aussi. Ouais. Il y en a déjà un très bon film. Ouais, ouais, c'est que ça. Ouais, ouais. Puis mon meilleur ami, son animal totem, c'est le castor. c'est cute, ça. Ouais, c'est cute. C'est pas moi. Ah, c'est ah. Moi, c'est quoi, j'ai bien des meilleurs amis. C'est plate. Mais c'est les bagnoles bretons. C'est vrai. Spécifique, hein? Ça me va. On va laisser ça là-dessus. Puis tiens, toi, Baz, dis de passer au prochain. Hey, passe au prochain. Flying first class up in the sky. Vers the glamorous. Flossy, vers the glamorous. Hein? C'était Fergie. Hein? Je suis une inconnue. C'est vrai. J'ai pas eu droit à ma chanson de Gabriel de Trois Maisons. J'étais un petit peu triste. Non, c'est correct. Il y en avait juste une. Ouais, ça va. Mais je pense que je vais mettre ça. Garde le micro collé sur ton menton, c'est tout le temps le mieux. Ok. Ouais, c'est super, c'est bon. Ça. Beau jeune, hey, écoute, j'ai. Ça va? Vas-y. Moi, ça va pas pantoute. Je vais vous dire, j'ai passé une hostie de journée de merde. C'était assez spectaculaire. Puis je pensais, en fait, faire comme tu sais, dans les films d'ado, tu prépares un texte parce que t'es élue reine du bal. C'est moi la reine, en passant, je tiens à le dire. Puis finalement, t'arrives sur le stage pour ton discours, puis tu chokes, puis tu parles de la beauté de l'amitié, puis des trucs comme ça. Mais non, en fait, c'est de l'estimante. Fait que je vais lire ma chronique comme je l'ai écrit. Hein. Puis ça, c'est des parenthèses. Okay. Je fais beaucoup de parenthèses dans ma vie. J'écris mieux que je parle, fait que je vais lire ce que j'ai écrit. Ça va être moins compliqué. Fait que hey, ouais, j'ai même écrit hey sur ma feuille. C'est ma première chronique à vie. C'est vrai. Ouais, merci. Sont-ils dans le bon sens? Ouais, okay. J'ai pas le syndrome de l'imposteur, mais presque. Là, tu sais, dans le sens que je sais pas vraiment ce que je fais là. Mais en tout cas, je vais essayer de faire de quoi. Mais ouais, ma première chronique, c'est ça. Je l'ai lu. Bon, tout le monde a comme une petite personnalité douteuse un peu ici, puis la mienne n'est pas vraiment définie encore, fait qu'on va improviser. Oui, je voulais essayer d'avoir l'air sympathique ou un peu divertissante, mais en tout cas, je pense que j'aime pas vraiment assez le monde pour être attachante, fait qu'on va... Ouais, en gros, ça va être ça va être un défilé de propos qui ressemble à n'importe quoi. Paraît que c'est étourdissant. Et si vous voulez me revoir éventuellement, je vais développer sur certains points, là, on verra, OK? Si ça vous tente. Mais c'est ça ma vie, en fait, ça fait aucun calice de sens. Voilà, je m'appelle Annie Pointe La France. Peu importe, mettez-le dans l'ordre que vous voulez. On peut m'appeler Arf, Arf Queen, La Reine. Vous ne saurez pas de quoi, par contre. Mais honnêtement, je suis vraiment modeste comme personne. Pour vrai. Vraiment, pour vrai. Puis, ouais, ça, c'est con. D'un côté, je suis un bébé laboratoire, puis de l'autre, j'ai une descendance écossaise. J'ai pas trouvé de punch à ma phrase. Ça va être ça. Ah oui, je disais que j'étais contente, mais que je savais pas quoi faire avec ça. Voilà, page 1 terminée. J'ai parti mon chrono aussi. Oh, c'est page 1 terminée, en plus. Oui, puis là, je veux survoler le sujet. OK, là, j'ai écrit un petit paragraphe. Alors, j'aime un peu trop les animaux. Oh, j'en ai trop. Le rose, les souliers, la nostalgie, les affaires bizarres. Je lis beaucoup, mais pas assez. Je fais un peu de rétro-gaming. Je joue malheureusement pas à Magic, Tommy. Je m'excuse. Ah, oh, c'est correct, j'ai fait mon deuil. J'aime beaucoup jouer à Uno. Ouais, on jouera, OK. J'ai une passion brûlante pour les feux de l'amour, puis ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et les romans passion harlequin. Tu sais, les romans passion, je vais y revenir un jour, OK? C'est ça, passion, important. C'est une collection de harlequins. C'est harlequin, la collection ça. Passion des romans harlequins. Il y a 2 histoires par livre, OK? Si vous en avez, je les veux. S'il vous plaît, je suis prête à les payer, OK? Ça vaut pas avec de l'argent? Ben, 2 piastres le livre. Une piastre l'histoire. Mais ouais, c'est vraiment primordial pour moi, j'adore ça. Puis c'est ça, je rends hommage au feu de l'amour et au roman harlequin régulièrement dans ma vie et la majorité du temps sur une base non volontaire. Je joue encore à Pokémon Go. J'arrive au niveau 31 très bientôt et j'ai pas encore mon Charizard, ce qui était mon seul et unique but en jouant à ça voilà un an. Sinon, j'aime les points noirs. Ça aussi, je les enlève sur une base volontaire. Voilà, ça, c'était fini pour mon paragraphe. Mais sinon, je disais aussi que j'avais sûrement, forcément, quelques ennemis dans ma vie. Mais mon pire, c'est mon bac à compost. Puis je connais une toune de Diams par cœur. Mon texte finissait comme ça. Mon plus grand accomplissement à date dans ma vie, je pense, c'est d'avoir gagné la 2e place au tournoi Mario Kart All-Stars d'Arcade Montréal. Merci, j'ai gagné une casquette. Il était une fois ma casquette. J'aime ma casquette. Sinon, j'ai quelques troubles d'humeur. Je suis insomniaque chronique. Là, c'est écrit « voir en dessous de mes yeux ». J'ai une phobie des scorpions, des tornades et des brochets. As-tu déjà vu un scorpion? Dans une animalerie, puis j'ai crissement pas filé. Ah ouais? Hein? Pour vrai, non, je... T'sais, c'est comme manger de la moutarde de Dijon. T'as l'impression que l'âme sort de ton corps, là. C'est ça. Les scorpions m'enlèvent mon âme. Let's go, on poursuit. Déjà que ça va pas fort ces temps-ci, en tout cas. C'est ça, là. Je vais essayer de faire vite. J'avais demandé à mes amis, quand j'ai su que j'allais avoir une chronique, de quoi je pourrais parler? Qui suis-je? T'sais, c'est quoi les sujets qui font que je suis ce que je suis? Puis les réponses, ça a été vraiment à l'unanimité. Ma casquette, mes menstruations, le karaoké, les malaises, la vidéodescription, Dr. Mario, Claude François et les changements capillaires désastreux. C'est ça. Mon but dans la vie, en gros, c'est de semer le divertissement, idéalement avoir de l'attention et accessoirement trouver le bonheur. Là, j'ai échappé ma parenthèse. Voilà. Pas dans le bon sens. OK. Y a Amélie qui voulait que je dise à quel point je l'aime et qu'elle a changé ma vie pour le mieux. C'est fait. Tommy, le prochain paragraphe t'est dédié, puis j'achève vraiment, OK? C'est une tribune qui a été bien utilisée. J'espère. Ben oui. Pour les fois que j'en ai, je vais en profiter. Salut, maman. Salut, papa. Il m'écoute en direct du Lac-Saint-Jean. Allô? Oh. Ouais. Oui, alors voilà, si vous aviez pas remarqué, je viens du Saguenay. C'est tout. Oui. Et puis, il y a beaucoup de drames qui se sont joués là-bas, Tommy. Ça t'est dédié, ce paragraphe-là. Ben oui, il y a eu le feu, là, on l'a vu dans la pub. Le feu? Ah ouais, il était dans Rivière, puis ça se fermait. Ouais, en tout cas, bref, il y a eu le déluge en 96. Il y a eu le fromage bovin qui s'est perdu dans la baie des AA. Il y a eu les tornades en 2001. Ça a été une grosse contribution à mes terreurs nocturnes. Le glissement de terrain meurtrier à Saint-Jean-Vianney en 1971. L'open house chez mes parents en 1998. Le toit du Palais des Sports arraché par une violente rafale de vent. La naissance de Michael Delavoye et autres accidents de voiture en état d'ébriété. Mais Tommy, on s'est déjà fait voler notre Saint-Jean, nous aussi. Ah ouais, hein? Ouais, c'est tout. Les Ontariens sont allés voler votre Saint-Jean. Non, non, c'était du monde de Chicoutimi qui sont venus scraper à Saint-Jean du monde de Jonquière. Ah non, mais c'est pas pareil. Ça, ça a fini en arrière du centre d'achat. C'était c'est pas que nice. La Saint-Jean du monde de Chicoutimi, c'était ça. La Saint-Jean a existé encore. Les Ontariens, ils venaient nous vendre. Non, ils étaient même pas festifs. Ils sont juste venus être pas fins. Fait que c'est des fédéralistes de Chicoutimi qui sont c'est venus ça, voler ça votre Saint-Jean. C'est ça, ce serait plus ça, là. Parce que c'était des Québécois qui avaient du fun un soir de Saint-Jean. Ils n'ont pas volé la Saint-Jean. Non, pas c'est... comme des Ontariens qui viennent en terre sacrée de René Lévesque. J'essaie pas de t'obstager, je te dis juste que ça m'est arrivé non, aussi. Non, tu vois, la passion sort. Non. Ouais, ça marche même pas mon point, en plus, parce que les fédéralistes aussi, ils ont le droit de fêter la Saint-Jean. Ben, non, oui, oui, oui. Non! Hey, je si je perds mon 5 minutes, Tommy, c'est de ta faute. OK. OK, en tout cas, oui, ah, puis garde, j'ai le temps, j'ai décidé que j'avais le temps. C'est assez de Saint-Jean pour tout le monde, même une, pour les Ontariens. Prends-en une deuxième portion. Là. La semaine passée, il y a deux gars qui sont venus débiter des rumeurs assez épouvantables sur les gens qui font des chroniques ici. Ah, je ouais. sais pas si ça vous dit quoi, là. C'est un déferlement de rumeurs épouvantables. En tout cas, je veux juste dire, si jamais ça arrive, si je pourrais revenir faire d'autres chroniques, la voiture, je l'ai pas volée, je l'ai empruntée. C'est tout. Les rumeurs incroyables. C'est ouais. ça. Fait que pour finir, je vais faire un tease pour. En tout cas, si jamais je reviens, je vais vous parler des feux de l'amour. C'est ce que c'est vraiment important. Les feux de l'amour, il y a comme pas assez de monde qui en parle dans la vie. Puis, en tout cas, mon tease, c'est la biographie de mon personnage préféré qui s'appelle David Kimball. Bon, bref. Sinon, après ça, j'ai vraiment fini après la biographie. Fait que oui, merci de votre patience. Hein? Je vais faire mes remerciements tout de suite. Là, j'ai-tu besoin des parenthèses? Ah oui, j'en ai besoin. Merci de votre patience. Bisous. J'espère vous revoir et tout le kit. Parle-nous de David Kimball. Attends une minute, tu vas voir. J'avais noté « Salutations improvisées et probablement ratées sous le coup de l'émotion ». Mais bon, moi. Okay. Donc, la biographie de David Kimball, après ça, je m'en vais. Hein? Puis, ah oui, si vous êtes attentif pendant le VG7 de tantôt, vous allez voir comment la carrière de David Kimball va se terminer. Alors, c'est parti. Après avoir tenté d'obtenir de Nina l'adoption légale de Philippe, héritier de la fortune Chancellor, il tente de la tuer. Nina lui tire dessus et il reste paralysé. Nina est disculpée lors du procès. Il demande à un chirurgien de lui refaire le visage. Celui-ci grave le mot « assassin » sur son front. David séduit Flo, la mère de Nina, sous le nom de Jim Adams, et l'épouse. Il obtient ensuite qu'elle en fasse son héritier. Ainsi, il espère qu'après avoir tué Nina et Philippe, il n'aura plus qu'à tuer Flo et héritera de toute la fortune. Il tente de tuer Nina et Chris lors du bal masqué de Genoa, sans succès. Il meurt dans un broyeur à ordures. Merci beaucoup, Anne Reine-France. C'est difficile quand on connaît son vrai nom, hein, de pas dire son vrai nom. Oui, il me semble qu'il y a déjà assez de mots aussi. Bon, on passe au prochain tout de suite. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. La, na, na, na, na, na, na. Hey, merci, c'était un beau moment en passant. T'as vu Moustapha? Toi aussi, tu fais des bruits de micro, Moustapha, pour rendre à l'aise nos auditeurs podcast. Come on, là! Oui. Tu sais que t'as 5 minutes. Hein? Je sais que j'ai 5 minutes. Tout le monde va les buster, puis je m'en tabarnak. Ça, c'est de la bonne attitude. Salam alaikum, Québec. Alaikum salam. C'est vrai, je vais juste prendre un moment pour remercier Colin, parce qu'il me manquait un peu de colère, puis sa chronique m'a juste donné ce qui me manquait, fait que c'est cool. L'affaire des Syriens, là. Entre autres, ouais, Colin, vraiment... Colin Boudria, très bon ça, track. Ça m'a juste confirmé que je peux venir ici pendant 3 ans de temps vous parler de bien des affaires. Ça prend juste un doute pendant 30 secondes pour vous ramener à l'islamophobie. C'est juste magique. Mélange pas trop mais non, émotions. Non, je vais... Non, excusez. On avance. Ma psy m'a rappelé comme quoi que j'exprime un peu trop de colère. Alors, je vais essayer d'être un peu plus festif. Fait que, joyeux 13 000 ans aux Premières Nations. Yeah! Ou 375 ans de colonialisme français. Ou 150 ans de colonialisme anglais. Wouh! Alors, on était plus là en premier qu'eux autres! Mais, yeah! Je pense que Bruno, peut-être tu l'as entendu parler, mais il y a un terme qui s'appelle broflake. Oui. Tu as entendu parler? J'ai trouvé une traduction en français, je l'ai faite. C'est pour vous, peuple, je vous l'offre. Flocon de beige. Ouais, pense-y, c'est bon. Est-ce que tu peux nous faire une petite mélodie tranquille pendant qu'il va lire le poème? Non, il n'y a pas de poème. Oh. Oh, ça a l'air d'être un poème, mais c'est pas un poème. En fait, fais une petite mélodie okay, tranquille. Non, poème. Non, non. Ok, c'est correct. C'est correct ou c'est pas correct? Non, on retourne à la célébration. J'ai amené quelque chose pour la kermesse de Cussonnet. Excusez. Fait que c'est un magnabrite. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi un magnabrite? Bon, merci. C'est... attends, mais faut que je lise les instructions, puis c'est dur à lire. Toi aussi, tu sais pas c'est quoi? Non, c'est parce que c'est tout petit. Fait que tu prends les instructions. Okay. Ah! Fait que ça permet de magnifier ce que tu lis. Comme ça, tout ce qui est petit, tu peux le lire en gros. C'est bien cool, hein? Comme les instructions du magnabrite, exact! Par exemple. T'as besoin du magnabrite. Tu t'achètes un magnabrite pour lire les instructions du magnabrite. Puis si, mettons que tu sais pas comment t'en servir avant de lire les instructions du magnabrite, t'es foutu. Ouais, c'est ça, fourré. Oui. C'est ça. Mais t'es sûr que c'est mais un c'est facile pour la toilette. Je l'ai échappé, là. aujourd'hui aussi, c'est le 4 juillet. Qui on le reconnaît. C'est le 4 juillet. Bah ben, demain, là, mais... Non, c'est la journée... Qui? C'est la fête des Amériques USA. Non, c'est la fondation de Trois-Rivières. C'est vrai? C'est bon. 1634. En 1634, exact! Wow, on l'applaudit. Okay. C'est de là que je viens. C'est aussi en 1862 que Lewis Carroll a essayé de creuser Alice Liddell en imaginant Alice au Pays des Merveilles. Juste à titre de contexte, pour la creuser, il a inventé une histoire. Il avait 30 ans. Elle en avait 10. Oh, c'est cool. En 2012... Non, pas ça. La pédophilie, c'est pas cool, Chris. Ben, la puberté, c'est vraiment sexy. Oh, sinon, marque un point. Je pense que c'est là que ça commence. Mais en 2012, c'est un rappel à Richard Z. C'est l'annonce de CERN, de la découverte du boson de Higgs. Qui est quand même une grosse affaire. C'est grâce au frère à Yves Sirois. Exact. Il y a des anniversaires aujourd'hui. Donc, on souhaite bon anniversaire et mort à Ron Kovic, qui a écrit sa biographie, Born on the 4th of July. Ouais. Dont le film du même nom. Hein? Avec du Vietnam et Tom Cruise qui souffre. Là. Hein? C'est bien hot. Oubliez pas que vous pouvez écouter autre chose. Ça, ouais. c'est un film de lutte gréco-romaine, ça, me semble. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Y a aussi me suis endormi après 20 minutes, moi. Il y a aussi l'autre film biographique, Independence Day, qui était sorti cette journée-là. Ouais, Independence Day. Ouais. C'est la suite, ça. C'est aussi l'anniversaire de Dario Castellón Hoyos et Joaquin Ferrer. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais leurs noms sont vraiment cool à dire. C'est l'anniversaire aussi de Philippe de Dieu le veut, qui est disparu en 1985. C'était un animateur de télé français, puis clairement, Dieu ne le voulait pas. Là, tu fais juste le tour de... Wikipédia, oui. Ouais. Non, mais tu sais, je me dis, tant qu'à ne pas me faire écouter, je vais te dire n'importe quoi. Ben ouais, hey, parlant de dire n'importe quoi, Donald J. Trump a tweeté aujourd'hui... At some point, the fake news will be forced to discuss our great jobs, numbers, c'est quoi déjà? Strong economy, success with ISIS, the border, and so much else! Moi, c'est cool, parce que en termes de succès, c'est sûr que quand tu vends, excuse-moi, perds des armes aux fournisseurs de Daesh, c'est clair que c'est un succès en quelque part pour l'économie américaine. Don't know, man. Nous autres, on vend des Jeeps. Ouais. C'est de la faute de Harper. C'est pas la faute de la personne. C'est moi qui ai raison. Ok. Mais en termes de. Être capable de vivre dans quelque chose de pas réel, je voudrais juste mentionner comme quoi que j'ai découvert récemment la nouvelle. Nouvelle forme de pot qui s'appelle le Jean-Guy. Bon? Ok. Moi, j'en ai juste entendu parler récemment, puis j'ai des questions. c'est quoi les effets secondaires? Ça fait paranoïa? Parce que moi, je pensais qu'en termes d'effets secondaires, une des grosses affaires que ça ferait, ce serait probablement hausser le niveau de nationalisme québécois. Ça serait peut-être le genre... C'est peut-être ça. Peut-être que ça va te donner plus le goût d'aller à la parade de la Saint-Jean. Peut-être que ça te donne plus le goût d'ignorer la question de racisme systémique quand tu vois une espèce de flotte qui ressemble clairement à de l'esclavagisme slash célébration de la suprématie blanche. La même semaine qu'un d'autre qui s'appelle Pierre Kerlian se fait tirer dessus par la police. Mais le racisme n'existe pas. Ouais, c'est plusieurs dossiers. Il y a juste toi qui a dit que le racisme n'existe pas, là. Non, c'est ça, il n'existe pas. C'est ce qu'on m'a dit tout. Bon ben, celui qui a dit ça, arrête d'y dire, s'il te plaît. Ça le met mal à l'aise. Il n'y en a pas juste un, d'ailleurs. C'est-tu le genre où est-ce que t'es tellement high, t'écoutes plus d'Éric Lapointe? Jamais assez high pour écouter Lapointe? Faut que t'essayes le Jean-Guy. C'est-tu le genre où est-ce que t'invites du monde pas agréable à tes parties, comme lui, là? Mais tout le temps? Ouais, je sais. C'est juste personnel pour moi, ça. Fait que je sais pas, il faut être crissement high en esti pour vivre dans une espèce de monde illusoire et dans déni. Mais bon, j'ai pas... Non, c'est vrai. Pas de colère. Joyeux 15 juillet, tout le monde! Woo! Merci! Hey. Moustapha, mesdames, messieurs! On va parler de film un petit peu, là, vous, c'est quoi? C'est votre deuxième long métrage que vous faites ensemble? Premier qu'on fait ensemble. Moi, j'ai fait beaucoup de clips, beaucoup de trucs, puis Seb a fait un long métrage il y a 6 ans. Le Polyvalente qu'on parlait de. Non, ça c'est sorti il y a un mois, le Polyvalente. OK. Le Polyvalente, c'est une série de 6 épisodes, comédie musicale disponible sur TV5. TV5.ca/polyvalente. Polyvalente. Ils n'ont pas ça eux autres là-bas non plus. Fait que vous avez inventé le mot, genre. Non, mais TV5, c'est TV5, financé c'est... par. C'est ici. TV5, c'est québécois. Il y a le Québec. Ouais. Passe des émissions françaises pour nous faire chier, mais c'est, mais c'est québécois. Okay, merci, okay, TV5. Bon. Merci. Ben good job, TV5. Moins de contenu français, s'il vous plaît. Ils ont financé ce contenu québécois. Oui, c'est ça, de plus de ça. T'enverras une liste comme d'habitude. Ben, je pense qu'on passe au prochain. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce que j'aime. C'est-tu assez? C'est assez. Parfait, merci, Charles. On a parlé de James deux fois. Charles, je mets tes lunettes, t'as un petit peu... Oh bon, tiens, vas-y. Ah, elle là. Ça va? Certains, salut Marie-Pierre. Salut. Allô. Salut. Allô. Je suis bien contente d'être ici à soir, quand même, parce que je suis venue vous parler d'une belle histoire. Tu sais, la dernière fois, j'avais parlé de la place Versailles, puis là, il y a bien du monde, après ça, qui était venu me voir pour savoir l'histoire du meurtre que j'ai vu en 2013, hein? Ouais, moi, je m'en souviens que j'étais allée te voir pourtant. Ben, c'est ça, fait que vous êtes macabre. Mais c'est correct, parce que moi aussi... Alors, à la demande générale, il était une fois un petit garçon qui gambadait dans un ravissant stationnement et POUM! Se fait tirer dans la tête. Je tiens à préciser ironiquement que je suis seulement témoin là, dans cette histoire-là. Je sais que j'ai davantage le casting de la fée au gros sein qui meurt dans les 15 premières minutes, mais as-tu que c'est hot, je défie mon casting. Donc, c'était une fois un d'autre qui voulait se repentir et sortir d'une organisation criminelle. Comme la fin de l'histoire l'a dit, malheureusement, il a manqué sa shot. Et mourir assassiné, c'est triste. Mourir, c'est triste, mais mourir assassiné dans le parking de la place Versailles, sérieux, c'est pas triste. C'est comme, c'est un peu loser, sérieux. C'est comme si le purgatoire, c'était un update, là. Ben, c'est ça, tu sais, comme tant qu'à y être, tu cites toi au casino, le compte plein avec ta couche pleine de marde, tu sais. C'est un peu raté sa mort, un peu comme Steve Irwin, le doute qui côtoyait toujours des crocodiles, puis finalement, il s'est fait... tué par un monstre inoffensif qui arrête de l'achaler. Exactement. Bref, ce soir-là, moi, je sors de ma job au Max, puis il n'y a pas un esticheur dans le parking, sauf deux dudes qui jasent. Et finalement, je reste 45 minutes dans mon char à sexter un gars. Tu sais, c'est bien connu, hein? Il n'y a rien de plus excitant qu'une pancarte du magasin Target. Malheureusement, depuis la fermeture, je vis la sécheresse, mais bon. Alors, soudainement, en plein ébat sextile, j'entends un coup de feu. Puis là, je suis comme, je capote, tu sais, je lève ma tête, je vois un gars tomber par terre, puis je vois un autre gars qui part à courir vers l'autoroute. Là, ma première réaction, après avoir rangé mon vibrateur, ça a été de barrer mes portes. Hein. Tout le monde sait que barrer ses portes, hein, c'est un bon moyen pour se défendre contre un fusil. Hein? Là, c'est sûr, mon comportement est un peu weird. Mais tu sais, on se rappelle, je viens de voir un meurtre. Et en plus, un mois avant ça, jour pour jour, ok, j'étais sur l'autoroute, puis j'étais en état de choc, en fait, parce qu'un mois avant ça, il y a un camion citerne 14 roues qui m'a rentré dedans, qui m'a fait tourner en 180, qui m'a accroché face à son char, puis qui m'a poussé sur quelques mètres sur l'autoroute. En plus de ça, ça a fini que la police m'a confisqué mon pote, puis qu'elle m'a laissé sur le bord d'autoroute tout seul. En tout cas, regarde. Christa, la vie d'Indiana Jones. Ben, c'est ça, là, tu comprends? Fait que là, je commençais vraiment à me sentir comme dans un film d'action, tu comprends? Fait que, après avoir barré mes portes, je me suis comme penchée de même, là. Puis j'ai conduit jusqu'au dos avec mon char de même. Là, j'étais comme, fuck, une chance, faut pas que j'écrase le gars, parce que je voyais pas grand-chose, tu sais, surtout que j'aurais eu l'air de Christine, la voiture meurtrière. Sauf qu'au lieu d'un Plymouth rouge, mettons que j'avais une Sunfire grise des années 90 avec un beat de Mixmania, genre « Tu t'en vas! » Là, finalement, je vois le gars qui a l'air de pas trop filer, tu sais. Fait qu'en parfaite héroïne de film d'action, je fais ce qu'il fait pour le secourir. Je me cache dans mon char puis j'appelle le 911. Fait que là, quand la police est arrivée, ils ont évacué les employés du Mike, genre le gros cuisinier coqué puis la waitress en panique. En les faisant longer sur le mur. Puis ça, c'est chiant, mais c'était quand même drôle. Parce que le cuisinier coqué, il pensait qu'il venait le chercher. En tout cas, bref, comme que c'est un règlement de compte, tous mes amis me disaient de fermer ma gueule. Hein? Tu sais, dans la vie, si t'aimes la vie, mettons, le moins possible, tu vas témoigner contre les gangs de rue. Ouais, ou le moins de podcasts possible, tu vas. Ben, c'est ça, un peu comme aujourd'hui. Mais oui, je me rappelle zéro de la face du gars. Pour moi, j'ai vu 10 secondes en double état de choc. Fait que mon témoignage, il serait autant crédible que s'il avait choisi Caroline de Barmaid comme procureur de la couronne, on s'entend. Ça avait deux pattes! Ça avait deux pattes! C'est ça, tu sais. C'est Monsieur l'Empereur, mon témoin, avait un gars avec des cheveux, puis comme, ah, ses souliers, c'est qui était laid. La session de sexo de ma témoin a été rompue par genre des Adidas 2014. Ça mérite la peine de mort. Bref, je voulais rien dire aux policiers, mais finalement, OK, genre, j'ai un gros mea culpa. Moi, je trippe sur Canal D, OK? Moi, dans vie, je m'endors juste si en background, il y a des douces comptines de meurtre, de kidnapping ou de viol. Il y en a qui comptent les moutons pour s'endormir. Moi, je compte des vies brisées. Je sais que c'est un peu lourd. Fait que là, quand le policier me dit « Serais-tu intéressé à faire de l'hypnose ou à t'impliquer dans d'autres méthodes expérimentales pour aider l'enquête? » J'ai fait comme « Oh yeah! » Puis là, genre 10 minutes après, j'étais dans le parking puis je faisais la reconstitution fucking cheap. Puis là, j'étais comme « Ah, bravo, fille! T'es en plein jour sur la scène de crime! Tout le monde peut te voir! » Un peu comme aujourd'hui, tu sais. C'est horrible quand on y pense, tu sais. Ce soir-là, j'ai vu un gars qui s'est fait enlever la vie parce qu'il voulait sortir d'une organisation. Puis moi, le lendemain, je trouvais ça fucking nice parce que je me sentais comme si j'étais à CSI. En plus, c'est là que j'ai commencé à fumer parce ben que non, mais je veux dire, moi, je trouve que t'as été courageuse dans l'histoire que tu nous racontes. Ouais, quand même. Il y en a qui auraient. T'es allé voir, t'as été. Oui. Tu t'es jamais mis à terre en criant. Ben non, c'est sûr. T'as fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Quand la vie te donne un cadavre, tu fais de la cadavrade. Ben... La vie m'a donné une chance, quoi, le cadavrage. Faut juste que tu mettes bien du sucre. Fait que bref, il était une fois un petit garçon qui voulait se repentir, qui gambadait dans un ravissant stationnement et s'est fait tirer dans la tête. Malheureusement, ils ne vécurent jamais heureux, ils n'eurent jamais d'enfants. Si un meurtre se planifiait dans votre entourage, seriez-vous le voir venir? Merci. Marie-Pierre, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Baz, il t'a vu venir, en tout cas. Ah, les meurtres. Grand fan de Canal D aussi. Malheureusement, mon nouveau coloc l'a remplacé par la WWF, fait que j'ai plus Canal D. Vous auriez pas... Hey, salut Tommy! Ah, salut. J'ai deux super nouvelles de dernière heure qui viennent juste d'arriver, puis là, je vais les partager avec vous autres, OK? Salut Kevin, oui, fais salut! Hey, tu sais, le film Han Solo, là, il y a des développements, là, dans la dernière semaine, là. Ah. Bon, ben... Si la rumeur se révèle vraie, vous allez le savoir plus tard, demain probablement, je ne jouerai pas dedans Han Solo. Je ne jouerai pas dedans Han Solo. Piou, piou! Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, maudit terrotte. La bonne nouvelle, là, c'est que ni un ni autre de vous autres allez jouer de plus dedans de non plus. Merci, Kevin. Hey, ça ressemble à ma cassette. Oh, ouais, je la touche puis je la sens, là. Non, décolle. C'est ma cassette du Super Motocross 93. Non, m'a le dire à ma mère que tu me l'as volé, que je te vois, ouais. Comme ça, il n'y a plus personne qui l'a. Merci, Kevin. Je suis très fan de Kevin. Qu'est-ce qui vient de se passer? D'ailleurs, avant de poursuivre, 70%, ça a commencé beaucoup parce que je faisais des critiques de films. Puis la semaine passée, ben, j'ai fait une critique de film et cette semaine, j'en ai ramené une sur I Am the Pretty Thing That Lives in the House. C'est un film de 2016. C'est ma critique de ce film-là. En 1995, j'ai fait ma première tentative de Rouyn-Noranda, Val d'Or en bicycle. On n'avait rien pour se désennuyer pour tout le 100 km et on a apporté 4 barres de chocolat en mangeant en chemin, soit très peu de substances. On a décidé de faire ça la nuit pour que ce soit plus tranquille, plus sombre. J'étais avec Luc, un vieux pote de Rouyn que je salue. Rendu à la fourche vers Montbrun, mon cul avait tellement frotté sur mon siège de bicycle que j'en avais des saignements. J'ai dû arrêter là, brûlé, blessé. Luc a fait du pouce, il est allé chercher sa voiture à Rouyn puis est revenu nous chercher, moi et les deux bicycles. Forcé de constater que j'ai pas eu le jus pour me rendre jusqu'au bout et que j'ai terminé seul dans le noir à tuer le temps avec rien. C'est un film canado-américain auquel je donne la note de moins 3. Merci. Wow. On passe au prochain. Ah, on a un invité surprise, le VJ de la soirée. Simon Cussonnet, mesdames, messieurs! Salut, ça roule. Ce soir, c'est spécial. Ce soir, c'est kermesse. Et comme dans toutes les kermesses, il y a une tombola. Et pour gagner des prix super cool, le quatrième prix, c'est ta request. La troisième, c'est un cossin excellent parce qu'on en a un shitload puis on sait pas quoi en foutre. Le deuxième, c'est une visite pour deux en amoureux au musée de l'absurde avec une visite full complète par le curateur. Et le premier prix, c'est un massage public. Massage donc, public. Donc s'il y a des gens qui veulent participer à cette tombola, je vends des tickets. Les prix commencent à 1 piastre, c'est contribution volontaire et ça va pour douteux.org pour qu'ils puissent enfin changer de caleçon parce que ça dope vraiment au musée. Voilà, donc s'il y en a des intéressés, levez grand la main, puis je vais passer vous voir et vous vendre ça. Merci, vous êtes cool. On passe au prochain. Oh. If there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Oui. Salut Florence. Allô. J'arrive juste comme avec la bonne toune. Oui, je pense vraiment... que ça t'a rendu heureuse la toune. Elle m'a rendu vraiment heureuse. Ben content. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup Georges. Donc, pour célébrer la fête des États-Unis, j'ai décidé de vous parler de la politique de Donald Trump avec un film que j'ai vu sur les dangereux immigrants illégaux, c'est-à-dire Alien Covenant. Un petit résumé sans spoil majeur, parce que je vais tout vous spoiler l'affaire, c'est certain. Une gang de crétins de l'espace ont l'air de faire une espèce de concours pour savoir qui est le plus crétin de la gang en disant des niaiseries puis en nous faisant douter de leur capacité cognitive, même si ce sont des scientifiques scientifiquement scientifiés. Ils arrivent sur une planète, puis il y a une bibitte illégale qui veut les manger, puis gna gna gna, Prometheus 2, gna gna gna, c'est sûr. On a notre équipe, Catherine Waterston en tant que Ripley 2, Michael Fassbender en tant que droïde, l'androïde. Billy Crudup en tant que capitaine, mon capitaine. Danny McBride en tant que lui-même. Puis d'autres sacrifices humains dont on se calisse. Parce qu'ils ont une phrase de dialogue pour qu'on les aime et que cette ligne est généralement « Je suis amoureux de mon conjoint ». Arc, c'est bien cute. Qui est ailleurs dans l'histoire sur Terre puis on se parle par visiophone. Oh non, ils sont tous sur le même vaisseau, mais on s'en calisse. Oui, ça me c'est bon. Pas mal ça. Je m'excuse. Non, ça valait la précision. entrons de ce pas dans ce que j'ai appris. James Franco est tellement hot qu'il peut pogner en feu même en étant cryogénisé. En l'an 2100 futur, seules deux choses peuvent faire arrêter une mission spatiale de la plus haute importance, soit un message de détresse ou une chanson country. Nos héros sont tous des scientifiques diplômés en course après le trouble logis, dont le cursus comprend comment trianguler un signal, ça c'est le cours de base. ne pas avoir confiance en soi tout en étant capitaine 101. L'exploration de planètes étranges avec Podcast 2. Le premier dans un autre cours. Je pense que j'ai fait du reverb. Apprendre à marcher sur des champignons immigrants illégaux et sniffer leur spore. Comment ignorer les protocoles de quarantaine lorsqu'un tata s'étouffe avec son sang et exhibe des symptômes exotiques. Glisser à répétition sur du sang en tirant du gun. Et enfin, le cours le plus populaire, comment tirer sur des explosifs dans un vaisseau qui ressemble à un hélicoptère. Je me demande qu'est-ce qui va arriver. Mais non, mais non. Ben oui. Dans ce monde-là, dire « Come with me if you want to live » est une bonne phrase à dire lorsque l'on veut être original, mystérieux et enfin faire avancer l'action. Mais dans notre monde à nous, par contre, ça veut juste dire que t'es fan de Terminator. C'est vrai. Évitez de poser des questions, t'évideras aussi d'apprendre par mégarde. Ça, c'est une leçon de vie. Se laver cause la mort. La lumière fait fuir les illégaux aveugles. Les illégaux de l'espace qui viennent de naître connaissent déjà la bonne nouvelle de Jésus. Les activités sur une planète étrange et déserte sont minces, mais excessivement le fun, comme faire un génocide et pratiquer des expériences génétiques douteuses. C'est vite, donnez-moi un billet pour cette place-là, tout de suite. Lorsqu'un homme aux allégeances douteuses te dit « Suivez-moi dans ma crypte avec tous ces œufs d'alien, mouahaha! » Ça le rend 10 fois plus sympathique et il faut que tu ailles avec lui. L'acide arrête de faire fondre les surfaces planes seulement quand tu cries les mots « C'est de l'acide! » Jouer à la patate chaude en 2100 futur, c'est avec des grenades et sur un vaisseau décapotable. Tu peux créer des liens avec un illegal alien qui veut ta mort en soufflant dessus. Alors, nous avons, après l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, on a le droïde qui souffle sur le nez des aliens. Allez voir, c'est beau. Tu sais que t'as la supériorité geek dans cette histoire-là quand c'est toi qui colle le concours de récitation de poèmes de Byron. Et pour clore mon truc, est-ce que ça valait la peine de faire cette histoire-là? Non. Est-ce que cette série est cliniquement morte? Oui, la réponse est oui. Et va-t-il y en avoir un autre D? La réponse est D, comme dans définitivement. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Florence, mesdames et messieurs. Oh, on parlait tantôt justement du fait que Ridley Scott devrait peut-être arrêter, là. Ah oui, vraiment. Hein? Des fans de Ridley Scott? Très, très. J'ai un de mes très bons amis, le gars blanc là-bas, est un malade mental d'Alien. Il l'écoute comme au mois. Fait que je l'ai vu plusieurs fois parce que je suis son ami, puis je vais le voir. Ouais, mais là, c'est Ridley Scott des années Ridley... 70. Oui, oui, du nouveau. Non. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il l'échappe un peu. Ouais, c'est rendu aride. Ça fait un bout là, qu'il l'échappe, là, quand même. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est The Martian, mettons, c'est divertissant, là, dimanche après-midi, ben, c'est, Netflix, c'est... Hangover. Ouais, c'est ça. Je pense que je disais, c'est louable. Ouais, très. Hey, excusez, on enregistre un podcast devant le public. C'est sûr, c'était le fun votre fin de semaine, mais vous pouvez baisser le volume pendant qu'on fait le podcast. Merci! C'est apprécié. Bon, on parlait de cinéma, il y avait Ridley Scott. Ouais, je pense qu'on avait fait le tour de la question pendant que t'étais fâché contre le public. Là. Ben, il faut qu'il apprenne. Ah ben, on passe au prochain. You and me, baby, ain't nothing but mama, so let's do it like to do on a Discovery Channel. Baby, ain't nothing but mama, so let's do it like to do on the Discovery Channel. Mathieu Boudreau, c'est notre meilleur, on le sort à la fin. Là. J'ai pas fait exprès de shooter cette tune-là pour lui, en passant. Non, c'est ça. Merci, Bathélina. Moi, je suis animateur de karaoké. Cette chanson-là, je la connais personnellement. C'est, attends. Rien! Rien! Rien n'est plus fascinant qu'un homme sachant pourquoi il vit. Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Bon, peut-être deux, trois brides, là, ouais. Des virgules, peut-être. Des bulles dans un verre de jus. Le jus de la vie. La fontaine de jouvence, celle que tu bois juste avant de t'incarner dans la matière. Cette matière que tu goûtes en premier, la fessée primaire de la science moderne qui t'accueille sur cette terre. Oh, toi, jeune zombie prépubère. Oui! Cette matière, celle qui te fait pleurer parce que pour la toute première fois, tu respires la réalité. Tu n'as... Non, les silences sont importants, pareil, là-dedans. Là. C'est quand même de la merde, ce que je dis. Il n'y a que toi pour boudrer ainsi. Tu n'as pas encore 20 secondes, je ne te donne guère plus de 30 ans. 27, si tu joues de la guitare et écris des chansons. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le sel que tu goûtes en premier te rend accro à te suicider? Pas étonnant que l'on mange des chips et que l'on boive de la bière d'épinette en malade. Quoi? Quoi? J'ai envie de m'incarner, puis toi, tu me parles de patates grasses puis de boissons sucrées. Ben certainement, le gros. Ben certainement. Du Pepsi puis de l'orangeade en masse. Et de la root beer puis du ginger ale à grandeur de l'établissement. Moi, aucun problème avec ça, gros. Même que si tu veux, je peux t'avoir d'autres marques. Coke, Fanta, Cuts. Hey, du Black Cherry Cuts, mon coco. 2 pour 1 piastre. À Montréal. T'en trouveras pas ailleurs qu'ici. Non! Non! Je n'ai pas envie de boire à la source du mal. Non! Non, je n'ai pas envie que l'empire de la patate chips me fasse un rabais sur l'existence. Je ne veux plus gaspiller mon temps sur cette terre. Je veux te voir, te sentir, te toucher, te définir. Tabarnak! Yes, yes, yes. Je suis assez fasciné par votre soirée. Là. On se fait royalement boudrer, là. Dans la vie, faut oser vouloir puis savoir se taire. Voilà. C'est pour moi qui le dis. Voilà. C'est, non, mais je veux dire. Dans la vie, faut oser vouloir puis savoir se taire. Et ça, c'est pareil comme au karaoké. Tout revient au karaoké, hein? Ça, c'est, oui, c'est ouais. un peu le sens de l'existence. La personne, elle vient de voir, après un papier, elle écrit une toune, son nom, puis elle te le donne. Elle ose vouloir, hein? Mais là, elle dit... passe-moi pas tout de suite. Moi, je suis prof de chant, puis je chante tellement bien que le monde ne veut pas passer après moi. Passe-moi vraiment plus tard. Savoir se taire. En passant, si tu veux impressionner le monde, hein, les standards de jazz fucking boring, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Tu ne peux pas, hein? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux ni me voir, ni me sentir, ni me toucher. Comment oses-tu vouloir me définir? Je ne suis rien d'autre qu'une inspiration parmi le tumulte des autres. Le tumulte des autres! Ouais. Alors après tout ça, nous ne savons dans la vie que trois choses. Il y a une naissance, une mort, et entre les deux, une chose plus ou moins définissable que nous vivons tous en ce moment, qui ressemble à une expérience où la joie et la souffrance semblent être au cœur d'un parcours sinueux. Ce qui me fait dire que la vie, il n'y a rien de drôle là-dedans. Voilà Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ah, ça, presti. À toutes les fois, on est comme essoufflé. Hein? C'est assez capoté comme expérience. Il y a une valeur ajoutée à réécouter votre podcast grâce à ça. Ah, mais ça fait 4 ans qu'il en fait avec nous. Là. Puis à chaque semaine, t'as de la profondeur comme ça. Là. Avant, il parlait plus de son fils qui laisse une fois de temps en temps sortir de sa cage. Là. Son fils qui est une métaphore de 8 ans. Oui. Je suis parti 20 secondes. En une métaphore de 8 ans depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Sinon, ben, film à Fantasia. Ouais, on fait de la ouais. pub, là, on mousse ça. Là. Let's go. Là. Ben, Game of Death à Fantasia. Là, la programmation sort demain officiellement. Ça va être la première canadienne. Après-demain, excuse. Après-demain. Je suis relationniste de presse à Fantasia. Ah, je t'en oui. confie. On parlait pas assez de Bruno! C'est parce que toute la soirée, on dit qu'on est le 4. Mais on est le 3. C'est ça, on est le 3. Tantôt, il y avait une... Ah, on est le 3, c'est ça. Demain, c'est le 4. La programmation sort le 5. Fait qu'on va avoir deux. Ouvrez vos journaux. Ouais. Ah, ta gueule. Mais ouais, ben, vraiment, vraiment content de pouvoir présenter le film ici parce que c'est ici qu'on l'a fait, puis c'est ici qu'on habite. Puis j'ai fucking hâte, là. C'est comme ça va faire. Puis là, la première mondiale a été à South by Southwest. Ouais. Fait que là, on a fait une couple de festivals à travers le monde. Puis fait là, tous nos amis, ils ont juste pas vu braguer notre film un peu ouais. partout. Puis là, l'attente me fait peur, là, t'sais, j'ai hâte qu'ils le voient. Est-ce que ça vient de là, le fait que la compagnie voulait pas que vous fassiez une page Facebook sur le film? Non, ou... c'était plus compliqué parce que c'est un genre de Netflix, c'est une nouvelle plateforme qui s'appelle Black Pills. OK. Genre de Netflix pour tablette et mobile. Puis, ils voulaient plus que toute l'information sur ce film-là soit à travers Black Pills. Je comprends, ouais. Et puis, ça veut dire que vous avez trouvé des distributeurs. Là, on est rendu oui, au-delà du circuit des festivals. Là, tu te lances dans quelque chose de plus complexe, mais peut-être que Seb... Non, mais très simplement, Black Pills, c'est eux qui vont présenter le film. Je crois que c'est après la tournée des festivals, je suis pas sûr. Mais théoriquement, d'ici la fin de l'année, ça va être disponible partout... J'ai hâte de voir ça. Et puis, je devrais être là. Sinon, là, on parle de... Vous attendiez-vous à cet engouement-là? Vivez-vous comme le petit nuage que tu pèses l'étage puis ça monte? Oui, ouais, c'est vraiment fou. Puis juste pour faire une histoire courte, je vais essayer de la faire courte, c'est parti avec... on s'est fait demander une série. Une série gore d'horreur parce qu'on avait fait un court-métrage qui s'appelait « La chienne ». Et on s'est fait demander ça, puis nous, on a fait « fuck that », ça nous tente d'écrire un film, on écrit un film, après ça, on le découpera en série. Whatever happens. Fait qu'on a fait cette série-là, qui était un film. Là, le film a été proposé d'une manière un peu magique à South by Southwest, en se disant qu'on va jamais être pris. Puis il a été sélectionné à South by Southwest. Fait qu'à partir de là, déjà là, tous les festivals à travers le monde s'intéressent à ton film, puis veulent savoir c'est quoi ça. C'est bon, Baz. Yes, merci. Il l'a fait, bravo, Seb. Hey, come on. C'est du success story québécois, là. Les gars, ils ont fait ça avec leurs amis, ils ont fait le tour du monde avec leur film. Il y a le monteur qui est là, le motion animateur. Ah, bravo. Il faut aller voir ça à Fantasia. On va avoir la programmation 5, ça s'appelle The Game of Death. Yes. Exact. Et voilà. Maintenant, on demande souvent à nos invités de nous faire un indicatif. Hey, on en avait... Baz en a trouvé un très bon, tantôt. Faites ça là. Comment ça part, ça? Là. Tu sais, c'est un genre de... Ici Baz et Seb, et vous écoutez okay. 70% le podcast le plus sexuel en ville. C'est bon, ça? C'est pas pire, mais faites-les mais plus fort dans le micro. Puis toi, t'as l'air meilleur. Parce que, parce que lui, en fait, il est en train de te dire... Parce que je vais te donner un exemple. Moi, j'ai donné un exemple. Ouais, c'est ça. Tu complètes ici Baz et Seb. Non, vas-y, man. T'avais l'idée. Ici Baz et Seb, vous écoutez le podcast 70%, un podcast sur l'appropriation culturelle. Yeah! De toute beauté. Hey, let's go, on passe au prochain. Everybody, yeah. Rock your body. Salut Joe. Je suis venu aujourd'hui rapidement pour faire une espèce de liste très courte des pubs que je recherche. Pour chez Johnny Publicité, on va faire ça vite. Let's go, let's go. Je cherche une série de pubs de Midas avec Claudine Mercier qui fait des imitations de chanteuses connues. T'en souviens? Non, mais là, faut aller au-delà de ça. Je m'en souviens, faut l'avoir sur une cassette. Let's go, let's go. Ouais. Cherche aussi une pub de Clamatomot avec des gars qui font venir un cobra dans leur party avec un charmeur de serpent. Puis, à un moment donné, le chanteur s'étouffe avec sa flûte ou je sais pas trop quoi. Puis, le serpent attaque le monde. Ça ressemble au genre de party que Steve Irwin faisait dans le temps. Deux références à Steve Irwin. Dans le même show, ça faisait longtemps. Ça fait 10 ans qu'il est mort, l'autre bord de la planète. Hein, tu vois, tu sais pas c'est quoi ton fame. Le Zeitgeist, hein? Sinon, je cherche une pub de Tostitos avec Chris Elliott. Qui est déguisé en arbitre puis qui décerne des pénalités pour des trucs genre le gars qui prend le dernier nachos puis qui se met à se moquer de l'autre gars ou le gars qui fait du double dipping, des affaires de même. Pis ça finit par amusez-vous mais dans les règles. On est loin de Fight Club. cherche une pub de Toyo, tu sais les pneus avec c'était quatre contorsionnistes qui faisaient les lettres Toyo ensemble. Il faisait comme... Hey, j'ai hâte de t'arrêter de parler. C'est comme toutes des vieilles affaires que j'avais enterrées, ça, là. Non, je vais finir avec ça. Cherche une pub, je sais pas c'est quoi exactement le nom de la marque, mais je sais que c'est un gars qui pète une coche avec un gros... tu sais, les speakerphones, là, il pète sa coche dans une course de poche de patates. Pis il dit comme c'est pas réglementaire les poches, pis je veux un test d'urine parce que le petit gars il a l'air bâti pour un jeune de 5 ans. Wow! Calice. Ça c'est plus récent un petit peu. Tu l'as encore fait. Ouais. Donc c'est ça, c'était mon cours avis de recherche pour mes pubs. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Ouais. Johnny Publicité sur Facebook ou ailleurs. Merci. Tabarnak. Faire de la publicité, avez-vous déjà fait ça? Ouais, c'est pas mal. C'est pas les films qui nous font vivre. On va se le dire, ouais, hein, l'industrie est pas mal tassée de ce bord-là. C'est fou, j'ai déjà fait de la recherche pour de la publicité, puis là, l'entendre, ça m'a comme. Mais ça, c'était ça un show d'humour? Ou si il cherche pour vrai? Ah, il cherche pour vrai. Ouais. C'est notre OCD publicité, lui. C'est fou, ben, il écoute ça en se couchant, là. C'est capoté. Ouais. Sa blonde, c'est la femme la plus patiente au monde. Sinon, ben, on va passer au dernier, je pense. Let's go, George! I want your love and I want your revenge. You and me calling a bad romance. Whoa, oh. I want your love and your love and revenge. You and me calling a bad romance. Whoa, oh. T'entendais pas. J'ai oublié les mots, là. Want your bad romance. Non, c'est une joke. Ça pourrait vraiment... Ah, oh, pas lui. Alors, pour les auditeurs à la maison qui n'auraient pas la couleur, c'est Alan Smithy, le clown qui met tout le monde à l'aise. Je suis désolé, les gars, vu que c'était la kermesse, j'ai ramené un clown. J'espère que ça ne dérange pas. Ouais, yeah. Ça vous fait plaisir, merci. On est vraiment content. Ouais. Hey, il s'est laissé pousser la barbe, le gars, en dessous. Hein? Ouais, okay. On ne le reconnaîtra pas tantôt quand il va l'enlever. Let's go, Bruno. Oui, à Shanghai, les actions d'une femme de 80 ans ont forcé 150 passagers à évacuer un avion en plus de retarder le vol de 5 heures. La femme qui était en train d'embarquer dans l'avion s'est mise à lancer des pièces de monnaie dans le moteur de l'avion. La plupart des pièces ont raté la cible, mais l'une d'entre elles est entrée dans le moteur. Un passager l'a aperçue et l'a rapportée aux autorités. La femme qui a été arrêtée et détenue à l'aéroport a affirmé qu'elle était bouddhiste et qu'elle croyait qu'une offrande de pièces allait assurer la sécurité du vol. Quand quand on dit le moteur, le moteur, là, ouais, les jets, là, tu sais. Elle est fucking conne! Ben, tu sais, elle a 80 ans pis un bouddhiste, là. Next, fuck, ouais, en tout cas. Tu sais. Il y a plus grand chose à faire avec ça. À Jacksonville, en Floride, un homme est entré dans sa voiture et, ayant laissé son revolver traîner sur la banquette, s'est assis dessus, le revolver se déchargeant dans ses parties génitales. L'homme de. Sous un tonnerre de slow clap. L'homme de 38 ans aurait ensuite couru. Tabarnak, j'ai mal écrit cette affaire-là, moi. Se serait enfui chez sa copine, qui l'a transporté à l'hôpital où il a été traité. La police de Jacksonville affirme que l'homme, qui a précédemment reçu des condamnations pour possession de cocaïne, fait face à des accusations de possession d'armes pour un criminel condamné maintenant. Oh. Bien sûr. Et finalement, Eric Chapman de Baltimore, au Maryland, a été arrêté et condamné pour vol à main armée dans un dépanneur en octobre 2016, faisant 8 mois de prison. Il a été relâché le 6 juin dernier. 20 jours plus tard, le jeune homme de 19 ans est retourné au même dépanneur pour y commettre un vol à main armée. Yeah! Respect. Menaçant le même employé. Il a rapidement réussi à identifier Chapman lorsque la police l'a interrogé. Chapman, qui a fait un gain de moins de 100$ avec ce vol, est toujours recherché par la police. Wow! Respect. Génie ou idiot? Ah oh non, c'est jamais un génie. On l'a pas retrouvé encore. Salut Alan, décalisse. Merci. C'est ça. C'est ça. C'est ça? Il y a vu quelque chose qui brillait, oui. Disponible pour vos parties de famille. Hey, merci beaucoup, Bruno. De toute beauté. Sacrifice. Est-ce que Anna est là? Ah, elle est aux toilettes. Ça donne bien. Ça donne. Ouais. Tiens, c'est son copain. Va voir son copain. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Là? T'es-tu à l'aise de parler de ce qui est en train de se passer? Ben, il est en train de faire une toile sous le thème que vous avez dit, kermesse. Puis, ouais. Ben là, en fait, c'est pas moi qui ai choisi, mais ça illustre... Je vous la montre-tu? Ouais, vas-y, montre-la. Vous pouvez. Oh oui, montre-la tout le on monde. On voit des éléments kermestiens. C'est pas fini, elle est en train de le finir. Là. Oh, wow! Ah. Mais si elle revient, elle pourra vous en dire elle-même plus. Et voilà, ça va être vendu à l'encan tantôt. Merci beaucoup à elle, merci à toi. Pas de plaisir, pas de il a l'air fiable, lui. Il a pas envie de pisser juste au mauvais moment. Merci beaucoup. Sinon, ben, je pense qu'on est rendu au bout. Hein. C'est capoté. Ah, rien, à partir de maintenant, messieurs, Baz, Seb, vous nous avez donné des clips qu'on va montrer avant de passer à la tombola de notre ami Français Cussonnet. Parlez-nous un petit peu des clips qu'on va regarder. Le premier clip qu'on va regarder, c'est notre comédie musicale qu'on a parlé tout à l'heure. C'est l'épisode 4 parce que c'est le meilleur, qui s'appelle CrossFit. Puis t'as-tu collé l'ordre des autres affaires à montrer parce qu'on a des trucs à ne pas montrer aussi sur cette clé USB-là. Oh, ça tombe un bon mot, ça! Non, c'est ça qui est drôle. Ah, fait que le premier, ça va être ça, puis on va aller à la console, rejoindre le monde. Merci beaucoup, Baz. Seb, on vous souhaite le maximum de bonheur. Un succès, ça a l'air mérité, Fantasia, puis tout. On va vous tenir au courant de ce quand ça arrive. Merci beaucoup à Georges Mateluna. Merci à Bruno, tous les chroniqueurs. Un merci spécial à l'équipe technique là-bas. On a Mathieu, Olivier, l'excellent Mallette et Larocque, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Merci à toi, public. Je suis rough avec toi, mais c'est pour notre bien à tout le monde. Hein? À partir de maintenant, ben, on tasse la table, on va baisser l'écran. Comme d'habitude, il va y avoir des projectiles qui vont se mêler. Fait que, y a aussi comme une nouveauté. Là. Ça va être quelqu'un qui vend des billets pour la tombola extraordinaire pour gagner un massage live! Salut! Salut, moi c'est Georges Mateluna, le gars qui joue à des tunes tantôt. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, j'étais ici, je jouais des tunes tantôt. Georges Mateluna, Mateluna c'est aussi le nom de mon band. On est sur internet, sur Facebook, fait que si ça vous tente, vous pouvez aller voir. Allez voir, même si ça vous tente pas, ça me ferait plaisir. Je vais jouer une chanson maintenant pour conclure en beauté. Vous êtes pas obligé d'écouter, mais quand même, ce serait apprécié. Parce que c'est important de faire plaisir à son prochain. C'est pas sur l'album qu'on vend. En passant, il est sur Bandcamp. Ça s'appelle Boire un petit coup, puis ça va être sur le prochain. On m'a dit que boire faisait oublier. oublier que je boirai. Jour après jour, nuit après nuit, bouteille de bière et de whisky, au diable la modération, je préfère l'autodestruction, mode dit que la drogue y perd l'esprit. Je serai libre grâce aux chaînes qui nous lient. N'importe où, n'importe quand, des pilules, des sachets blancs, et trajet, c'est sans importance, quand on croit que rien n'a de sens. Quand on croit que rien n'a de sens. Boire un petit coup, c'est agréable. Lorsqu'on est seul et misérable, quand tout paraît beaucoup trop fade, boire à s'en rendre malade, boire comme un trou, c'est agréable. Boire un petit coup, la la la la, encore un coup, la la la la, boire comme un trou, c'est agréable. Boire un petit coup, la la la la, encore un coup, la la la la, boire comme un trou. Agréable. On dit que l'amour est plus fort que tout. L'amour l'aide, moi au fond je m'en fous. Alors je prends sans réfléchir le meilleur autant que le pire. Tout le vice qui me fait vomir. Pour être bien il faut souffrir. On dit qu'après la mort il y a la vie. Pour ma part je crois que tout s'arrête ici. Rien qu'un nom gravé dans la pierre, une larme, une tombée, une prière, le souvenir de ceux qui nous quittent, leur voix qui doucement se dissipe. Leur voix qui doucement se dissipe. Coup, c'est agréable. Lorsqu'on est seul et misérable, quand tout paraît beaucoup trop fade, voir comme un trou, c'est agréable. Tu m'avais dit je t'aimerai pour toujours. Tu n'es plus là, je le sens tous les jours. Depuis je trinque à temps perdu, à la santé des disparus. Je lève mon verre, je soupire. Pour vivre il fallait bien mourir. Pour vivre il fallait bien mourir. Boire un petit coup c'est agréable. Lorsqu'on est seul et misérable, quand tout paraît trop fade, boire à s'en rendre malade, boire comme un trou, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est agréable. Lorsqu'on est seul et misérable, quand tout paraît beaucoup trop fade, boire à s'en rendre malade, boire comme un trou, c'est agréable. Boire un petit coup, la la la la, encore un coup, la la la la, boire comme un trou. Agréable, boire un petit coup, la la la la, encore un coup, la la la la, boire comme un trou, c'est agréable. À la prochaine, j'espère. Tu sortiras quand je déciderai. Phase de slip. La drogue brise des vies. La drogue tue. La drogue fait souffrir des familles. Donnez généreusement. Tu sais, Autumn, Max n'accepterait pas qu'on se laisse intimider par Snake. Je sais, Billy, mais regarde-moi. Je suis moche et ringarde. Je n'y peux rien. C'est faux, Autumn. Snake n'est qu'une enflure. On ne doit plus se laisser piétiner de la sorte. On doit gagner confiance en nous. Et je sais comment. Sans Max, c'est notre seule option. La meilleure sauce en ville. Achetée directement en bourse. Mais Billy, la drogue, c'est mal. Ça brise des vies. Mais non, Autumn. C'est pas de la drogue, c'est de la sauce. C'est connu, tout le monde fait de la sauce. Même tes vedettes préférées. Harry Potter, le magicien, David Blaine, le dalmatien. Charlie Jean, Joe Lapin qui donnerait des pots de vin. La drogue brise des vies, mate la crime organisée. Gagne de rue, la gauche, la droite, doigt d'honneur et donne la patte. Si tu désires devenir la reine, tu dois te laisser aller. Pas comme ça, ah oui, mais comme ça. Viens, on parle avec moi, la sauce c'est pas de la magie noire, crois-moi. La sauce c'est mon produit à moi. La sauce, tout le monde en veut, tout le monde en parle. Fais du crossfit. Push-up, chin-up, squat. Crossfit. Musclor, stéroïde, marche. Crossfit. Parachute, cristal, mat, TV. Crossfit. Et tout le monde en cœur chante crossfit. Quelle chance d'expérience, je vois bien la différence. Billy. Crossfit, on fait du crossfit. J'ai à toi et nos enfants jusqu'au petit tiers du mat, Billy. Crossfit, je suis mal comique. Salut, moi, j'aime le crossfit. Quand j'ai ma guide, moi, le crossfit, on fait du crossfit. Ici, c'est la dotée, balayeuse et balayée. Crossfit, on fait du crossfit. Tout le monde, tout le monde. Les envies, la drogue, les fesses bombées. Marijuana, margarita, après l'amour acharné. Après l'eau marraine, après l'eau marraine. Ne mérite pas d'être la reine du bal. Bal, martien, bal, gal, martien, bal, reine du bal. On l'admire pour ses nénés. On l'aime pour sa beauté. Avril Bombe, Avril Béné, Cour Saint-Hubert. Crossfit, toxique. Grâce à Billy, grâce à Billy, je serai la reine du bal. Grâce à Billy, Billy, Avril ne sera pas reine du bal. Grâce à Billy, je serai la reine du bal. Grâce à Billy, Billy, après il sera anéanti. Qui peut en vouloir à ce point à la jolie April? We'll be right back. T'as bu trop de boissons gazeuses? Non. Est-ce que t'as encore liché un crapaud? Non. Est-ce que t'as mangé des cigarettes? Non. Alors je dois t'examiner. Couche-toi. Lolol, mon diagnostic est formel. Ah oui? Tu es... enceinte. Vite, Malmo, aide-moi, elle va accoucher. C'est le miracle de la vie! Vas-y, pousse! Oh mon Dieu! Je vois ces deux têtes! Deux têtes? Oui, ces deux têtes! Toi? Ces deux têtes! Oh mon Dieu! C'est Tricot Machine! Oh, Tricot Machine! Ben oui! Tricot Machine! Oh, Tricot Machine! Tricot Machine, est-ce que tu voudrais faire de la musique avec nous? Oh. S'il te plaît, Tricot Machine! Oh oui, Tricot Machine! De la musique, Tricot Machine! OK! Yeah! Yeah. Retourner chez moi, les mascottes. Non, Tricot Machine. Vous savez, Tricot Machine a raison. C'est maintenant l'heure pour lui de retourner à la maison, dans le ventre de Lolol. Non! Au revoir, Tricot Machine. Au revoir, Tricot Machine. Au revoir, les mascottes. Viens m'aider, Malmo. On va les pousser dans le ventre de Lolol. Poussez plus fort, les mascottes! Au revoir, Tricot Machine! Au revoir, Tricot Machine! Au revoir, Tricot Machine! Tricot Machine est entré dans le ventre de Lolol. Mission accomplie! Choice, you or I. Without decision, one will die. In this quest, some are left behind. This game will blow your mind. Let's do this shit. Yo, what the fuck, man? Fuck, get off me! His fucking head is gone! You're next on my kill list, buddy. My dad. Why is this happening? need to kill 24 people to end the game. Look where we are. Are you fucking jealous? You should be. Salut tout le monde et bienvenue à la grande kermesse douteuse. Est-ce que ça va? Alors, il y avait quelques clips de Seb et Baz et Landry et toute leur famille qui étaient invités ce soir. Je voudrais qu'on donne une main d'applaudissement parce que c'est du clip de choix. Et pile au moment où je dis merci, ils se barrent. Bravo les mecs. Ils prennent leur chèque, ils foutent le camp comme d'habitude avec les Québécois. Bon, alors, est-ce que tout le monde a des bouchons? Ok, d'accord. À part l'ivrogne à droite, qui a des bouchons? Levez la main s'il vous plaît. Ok, excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont des billets de tombola? Merci pour le pognon, c'est cool. Bon, bah on va pouvoir commencer ça. Pour commencer cette super kermesse, voici un tutoriel. Vous allez voir, c'est super cool, c'est super simple. Oh non, tu vas pas skipper ça, ma poule. Alors, pendant... Il y a des vidéos qui vont être chiantes, et quand vous allez voir ce genre de cible apparaître, je peux mettre un truc aussi chiant ou pire. Donc c'est au choix, gardez bien vos bouchons. Non mais c'est pas maintenant là, c'est... Ok, après il y a cette crap zone qui est sympa. En fait vous imitez le mec à l'intérieur. Donc là si vous voyez ça vous faites... Putain c'est génial, vous êtes les meilleurs. La prochaine zone, là, il me semble que c'est bien la malaise zone. Là je mets un truc malaisant et je décline toute responsabilité pour toute enfance foutue en l'air ou whatever, t'sais. Donc quand ça arrive c'est chiant. Il y a deux autres zones ce soir en plus, une de mes préférées, la karaoké zone. Donc ça veut dire que vous voyez, dès que vous voyez ça, vous pitchez les affaires dedans. Ça me prend involontaire pour passer la vidéo, pour passer à la vidéo suivante, mais il y aura un karaoké, voilà. Et dès que vous voyez ce petit canard, vous pitchez un bouchon dedans. Et mon rêve secret va dire qui l'a pitché, de façon à ce que je donne un ticket boisson à celui qui a visé le canard. Alors ça va être chiant et puis bah voilà. Ça va être assez dur. Donc ce soir, les prix de la grande tombola. C'est le quatrième prix, c'est la vidéo de ton choix du moment qui a pas de porn, de gore et que ça fasse moins de 2 minutes parce que je coupe moi, tu sais. Le troisième, c'est un cossin de bon goût donné par Tommy Godet. Le deuxième prix, c'est une visite au musée de l'absurde pour 2 personnes. Et j'ai un billet ici en ma possession. Un billet qui vous donne le droit d'une visite pour 2 personnes. Et le premier prix, c'est un massage. Alors j'ai beaucoup de questions concernant le massage. Qu'est-ce qu'un massage public? La première question qui revient souvent, c'est qui va donner le massage? Et je veux pas vendre mon punch, mais celui qui va donner le massage, c'est vous tous. Donc rien que pour la curiosité, prenez des billets de tombola, puis comme ça, on va pouvoir acheter d'autres fils pour voilà. Voilà, c'est. C'est Annie et Tommy qui vendent des billets de tombola, donc si vous voulez participer, allez-y. On a même quelqu'un qui a donné 1 dollar US. On est riches, les gars. Donc on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts pour vous calibrer? Ok, on y va. Le principe est simple, hein. C'est à vous. Attention, tirez pas sur Tommy. Je l'ai entendu au douteux, ça. China. Oh là là! China! Oh ouais, yes, non, c'est Tommy, tirez pas dessus! C'est un gentil! Ah, bouh, ton système médical de merde! Voilà, au douteux! Ah, bouh, caca! Ouais, de toute façon, là, un procès, on s'en fout! Ah, salaud, il est revenu! Ah, va-t'en, ton système est à chier! C'est bon, vous êtes formidable, applaudissez-vous! Je suis si content que nous sommes une fois... Alors une projection de trucs douteux, ça commence avec des bandes-annonces comme sur les cassettes de l'époque. Je vous donne 2 bandes-annonces, c'est cadeau. Pronto. Arrivo. Welcome in Tonus, jeune fille. T'es complètement irresponsable. Faut appeler l'armée et évacuer l'hôtel. Tu le savais qu'il y a une bête. C'est comme les dents de la mer, tu voulais pas paniquer la clientèle, ordure. Mais qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Je vais réfléchir, on va dormir. Donne-moi un fusil que j'essaie de la retrouver. Tant pis, j'y vais à main nue. J'aime pas ça. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, ce sera toi le responsable. te préviens, je vous laisserai pas le toucher. Allez, c'est pas du tout ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Pour les connaisseurs, c'est un savant mélange des Bronzés 3 et de Jurassic World. Merci, ma grande. Ce film va bientôt être est nominé à Sundance. Hello, how are you? Name's Christmas. Lloyd Christmas. I'm Mary Swanson. The most beautiful woman alive. Flew to Aspen and out of my life. What the hell are we doing here, Harry? We gotta get out of this town. Yeah, you just wanna go to Aspen and find that girl, and you need me to drive you there, right? Yeah, am I so, right? Am yeah, I right, Lord? So? You know what I'm sick and tired of, Harry? I'm sick and tired of having to eke my way through life. Sick and tired of being a nobody. But most of all, I'm sick and tired of having nobody. We're in a hole. We're just gonna have to dig ourselves out. Just when I think you couldn't possibly be any dumber, you go and do something like this. Don't you ever say that again. She is the love of my life. Et tout de suite, votre set de VJ. Dick. Lèche mes couilles comme ça. Ah. Bravo, vous êtes sur Internet. Internet ! Internet ! Internet ! Internet ! Internet ! Comment ? Internet ! Put your thumb into the eye, drive your thumb into the tomato, and rip out, then bite off his penis. So is it any wonder people are afraid of technology? Technology! What a low life, sir! Where the hell? Where are the police? Get the cops out there! You can't do this, Kenny! You gotta be kidding me! Don't do this! Someone must stop this. And his name is John C. I got my soul straight. I brush your mouth like block gate. In any weather, I'm never. Does it hurt? Ah, my stomach. ちゃんと痛いけど痛い。 救急車を呼んでもらったからといって安心はできない。 Voilà, c'est le moment d'apprendre l'anglais grâce aux vidéos japonaises. Donc, si vous connaissez la chanson, faut y aller. I have a bad case of diarrhea. Allez, on répète. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. Vous êtes super cool. I have a bad case of diarrhea. Voilà. Ah, attention, on y va. Suivez le monsieur ivre qui vous donne la chorégraphie. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have クロスして a bad case お腹をさすって of diarrhea ジェスチャーゲームの要領です感情を込めてやってみましょう I have a bad case of diarrhea I have a bad case of diarrhea I have a bad case of diarrhea I have a bad case of diarrhea Merci vous êtes super ありがとうございます I Vous avez compris l'idée? Ouais, donc voilà, ok, bah c'est bon. Somebody, somebody, somebody, allez, tout le monde, on y va! Vous avez compris l'idée? Est-ce que vous avez compris l'idée? Ok, on passe à autre chose. Exact. C'est le président de Steam. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only save me! Alors oui, c'est un show gratuit, donc c'est pas garanti sans problème, donc voilà, on reprend, comme si c'était rien passé. Born to be wild. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Fabien Varlet pour m'avoir choisi pour ce défi. Donc si je vais sauter aujourd'hui, c'est pour prouver à tous les hommes qui n'ont pas choisi de femmes pour ce défi que les femmes aussi ont assez de courage pour sauter dans l'eau et ont assez de cran. Voilà. Bon, quand je parle de sauter dans l'eau, c'est pas un petit orteil, hein, mesdames, hein, c'est sauter entière dans l'eau comme des hommes. Voilà, j'en profite aussi pour faire passer un message. Si je saute aujourd'hui, c'est aussi pour lutter contre les inégalités hommes-femmes qui persistent dans notre société actuelle. Donc, à mon tour, je dois choisir trois personnes qui vont devoir sauter dans l'eau. Sinon, elles vont devoir me payer le restaurant. Donc, forcément, ces trois personnes seront des femmes, comme je suis là pour défendre les femmes. Donc, ces trois personnes seront Élise Bob, Elodie Darras et Julia Minet. Voilà, donc je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez, les filles ! Ah, merde ! Bah ouais, mais est-ce que vous avez le mot de passe ? Avant. Non, ça c'était le mot de passe du set de VJ du 14 février. Je vois que t'étais là, merci beaucoup. Non plus. Non, bon, désolé, on passe à autre chose. Has you really been far, even as decided to use Even Go Want to Look More Like? Call 985-655-2500 inside the details for Go Further and Even More Decided to Use. You can really be far as decided twice as much to use and go wish for it. When you decide far even once to use and go want, then get really far even as decided to use and look more like and go after. It's just common sense. Apply today. Oh, that's good luck! Oh, my God! Can you eat pussy like that? Alors voilà un super clip cool bien de France. Ça s'appelle la Zoubida. C'est cet animateur qui s'appelle Vincent Lagaffe qui a pris des traits de plein de comiques français. Oh, je vous laisse, ça dure 4 minutes. Je vous laisse avec ça. Amusez-vous. Ce clip est pour mon ami Mustapha. On dirait qu'il y a un canard qui est passé. Qui a gagné la boisson gratos? Allez me le chercher que je lui donne son dû. Oh, on applaudit le grand chevelu qui a pitché pile dans le canard. Et voilà, c'est le curateur du musée lui-même qui va te délivrer un coupon gratuit. N'oublie pas de tipper les serveuses et les serveurs car ils sont super coolos. On continue avec Zoubida donc, merci à lui. Oh, attention! Un deuxième consécutif! Et la distance! Carl Carmoni! Petit pour Carmoni! Absolument un! Birdie, sinon c'est terminé! L'allée! Non, Carl, ce n'est pas un échec, car tu n'as pas de punaise de lit, toi. La dynamique de cette situation, la montée. Private Joe. Ah, on ne sait pas s'il l'a eu. Hein. Oh, il a l'air énervé. Quatrième présence. Vient de réussir deux birdies consécutifs pour suivre le tempo imposé par Musière et doit répliquer encore. Et important au niveau des bosses. Oh, c'est raté. Ça redescend. Ouais! Qui jubile. Double chance. Crucial. Carl Carmoni qui fait un bond. Vous vivez où, Geneviève? Arrondi Fouillé. Geneviève, on dirait qu'elle arrive tout droit du 16e arrondissement de Paris. Tu sais, elle joue au mini-golf. Allez-y. Je ne crois pas! Je ne crois pas! C'est ma dernière vidéo du set. Enfin, avant-dernière. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Bonsoir mesdames et messieurs, vous écoutez 70% avec Lucas Mani là. Quoi, je peux-tu dire le meilleur danseur au monde, hein, juste écœuré? Mon nom c'est Pierre-Luc Racine, je suis à 70% et je trippe à 100%. Dead beneath the stars, and the sky in the morning. Those guys just do stay away, I'm nothing but dying. Ouais, j'ai Dancing in the Dark dans la tête depuis quand même une tranche. C'est la faute d'un collègue qui s'appelle Sébastien. Va chier, Sébastien. Bonjour, bienvenue à notre édition de ce lundi du mois de... Excuse, Tommy, je m'excuse parce que je suis un gars poli, mais je te coupe. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. La fin du monde s'en vient, la fin du Québec. Le Québec va mourir. Je le sais, je l'ai vu. Je bois du Christ de bon pote. Non, je fume du Christ de bon pote, hein? Ouais! C'est voulu. Je le fais volontairement. Pour voir l'avenir. Et la mort du Québec s'en vient. Et vous avez deux choix. Soit vous joignez les survivalistes qui vont avoir une crise de vie plate, ou vous suivez la Punk Fu Crew. La Punk Fu Crew, c'est simple. Si vous nous suivez, on a des chiottes, on a du Christ de bon pote. La vie va être belle. On va avoir une belle visaine relax dans l'apocalypse. Le moyen de nous suivre, c'est d'aller voir le film Punk Fu Zombie à Fantasia. Et aussi de suivre notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre. C'est très facile. Vous êtes juste à un clic. Mais je vous le dis, c'est vrai, là. Je vous le dis, pour vrai, là. Les zombies, là... Pis l'apocalypse, là, le punk fou, là, nous autres, on va surveiller, là. Nous autres, on va tout combattre ça avec du Christ de bon pote. Hey, hey! Hey! Punk fou zombie! Donc, je m'excuse, oui. En fait, Punk fou zombie, c'est un film qui a été fait par des amis de Douteux et notre branding arrive un petit peu partout. Et il y a plusieurs des personnes dans la salle présentement qui sont dedans et ça va jouer à Fantasia cette édition-ci. On va avoir des dates plus précises. J'ai l'impression qu'on va revoir d'autres punk fou zombistes survivalistes qui vont venir ne pas suivre leur texte devant tout le monde. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. C'est bon, là? Il n'y a plus personne. Ah ben, merci. On est très content d'avoir une soirée vraiment loadée pour vous. On a Anna ici qui va mettre en image tout le long de comment ça y tente. Et tantôt, son œuvre sera vendue à l'encan. On va sûrement aller lui faire un petit salut durant 70%. Le long métrage sera présenté par un ami très cher qui s'appelle Pascal Grenier. C'est Action USA. C'est un long métrage qu'on a en version française et je suis très content. C'est genre, si tu veux l'avoir en français, là, demande-le à moi. Ça va être pas mal plus simple que comment moi il a fallu que je fasse pour l'avoir. Ça. Donc, on va vous présenter ce long métrage-là. Juste avant, on a la tombola totalement fantastique du VJ, le plus pain-baguette sous le bras de l'organisme. l'excellent Simon Cussonnet qui va nous... en fait, c'est une tombola, ça veut dire il y a quelqu'un qui va passer pour vendre des tickets. Vous allez nous donner de l'argent gagné avec le sang du Christ en réalité. En tout cas, vous savez comment ça marche, mais les prix sont fabuleux. Et donc, au travers de ça, on devrait passer une très belle heure et demie de VJ. Juste avant, ben, on va avoir des clips de nos invités de 70%. Je parle à Baz et Seb, mais à l'envers. C'est nos deux amis qui sont là pour nous parler de leurs films, des cinéastes de moins en moins amateurs. C'est beau, un processus qui se développe. Et sinon, pendant 70%, on est très content d'avoir Georges Mateluna comme house band pour nous. Oui. Leader charismatique de Mateluna. Allez voir ça, leur bandcamp, puis le reste, là, c'est une bien belle gang qui parle de meurtre d'enfants. c'est drôle. Et donc, pour commencer cette soirée qui devrait être haute en couleur, avec des chroniqueurs et des surprises capotées, ça t'a coûté gratuit, pense à ça tout le long. Pour débuter cette soirée, je suis très content d'accueillir quelqu'un qui, pour la première fois, va fouler ses nobles planches du brouhaha. S'il vous plaît, une main d'applaudissement pour notre monologuiste de la semaine, Colin Boudria, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci, monologuiste de la semaine. Super belle présentation des années 60. Je suis Yvon Deschamps. Pareil. C'est ce que c'est des monologues. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les dinosaures, par curiosité? Tommy. T'as-tu entendu parler de la nouvelle théorie comme quoi les dinosaures avaient des plumes? Oui. C'est une nouvelle affaire. Moi, je suis allé dans un musée d'histoire naturelle avec mon grand-père, puis il y avait des dessins de vélociraptors comme ça avec des plumes mauves, roses. Mon grand-père a juste dit, « Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon temps, les dinosaures étaient pas fifs de même! » Tu sais que t'as une mentalité qui appartient à une autre époque quand les dinosaures sont rendus trop progressistes pour toi, sérieusement. Là. Depuis ça, ils décrochent pas, toujours en train de chialer contre les diplodocus pro-avortement. Et... C'est quelque chose... Dernièrement, j'ai appris comment mes grands-parents se sont rencontrés. Y a-tu des gens que leurs grands-parents sont encore ensemble? Sont quoi? Ouais, mais sont-tu restés ensemble jusqu'à la fin? Le fait qu'ils soient morts, c'est pas mon point. Puis, parce que moi, j'aime beaucoup les histoires romantiques de personnes âgées. T'sais. Je trouve ça super touchant tant que t'analyses pas ça avec nos standards relationnels d'aujourd'hui. Parce que sinon, tu te rends compte que c'est souvent des témoignages de harcèlement sexuel, mais racontés avec nostalgie. T'sais. C'est tout le temps des affaires de « Oh, au début, ton grand-père, il m'intéressait pas du tout, mais il a été tellement romantique. Chaque matin, il m'attendait à l'entrée de l'école, ouais. J'essayais de l'éviter, mais il insistait. À un moment donné, j'ai même changé de chemin, puis il m'aimait tellement. Il a commencé à m'attendre directement chez moi le soir. Ça a duré 2 ans. Mes parents, ils ont donné des doubles des clés. Ils trouvaient que c'était un bon parti. T'sais. C'est vraiment creepy. Du quoi? Ouais, c'est intense. Je sais pas. Moi, ce matin, je me suis réveillé avec une toune de Diams dans la tête. Est-ce que vous vous rappelez de Diams? Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Une rappeuse super populaire début des années 2000. Elle est devenue musulmane, elle a arrêté de rapper. Comme quoi, ça fait pas juste des mauvaises affaires, l'islam? Non, mais honnêtement, je pense que c'est peut-être notre solution à l'islamophobie, sérieusement. Faire écouter du Diams à tout le monde. Mais j'ai jamais réussi à avoir peur de l'islam. Honnêtement, c'est fou. Puis j'arrive pas à prendre au sérieux genre les chroniqueurs qui se nous font peur. Ah, il y a plein d'extrémistes musulmans. Les terroristes sont partout. Ils recrutent vos jeunes à peine sortis du cégep. Voyons donc, tu vas pas me faire croire ça. Je sais bien que personne te recrute quand t'as juste un deck. Vous me ferez pas croire qu'État islamique a besoin d'autant d'emballeurs d'épicerie, là. Mais sérieusement, là. Chris, ces jeunes-là sont pas foutus de mettre une douzaine d'œufs sur le dessus du sac. Laisse-les pas s'approcher des grenades. En fait, si tu veux pourrir une organisation, tu leur envoies des cégepiens. Ça aurait dû être ça, la stratégie militaire, man. T'envoies tes cégepiens à l'État islamique. Tiens, Steve, va faire le djihad pendant 2 ans. Ça va créditer tes cours de philo. On aurait l'avantage de toujours savoir d'avance quand ils vont frapper, tu sais. Ah! Steve vient de se check-in au Bataclan. Avec le caption, « Yeah, trop hâte de mourir pour le djihad. » Bonhomme clin d'œil qui sort la langue. « Feeling optimistic. » Non, j'arrive pas à les prendre au sérieux. Puis de l'autre côté, t'as État islamique qui essaie de nous faire vraiment peur aussi, mais que j'arrive pas à prendre au sérieux parce qu'ils sont juste trop américanisés. T'sais. Ils sont partout sur les réseaux sociaux. État islamique publie même un magazine. Je sais pas si vous saviez ça. Il y a un magazine qui est publié aux 3 mois, un peu comme le magazine Véro. Sauf que le magazine Véro, ça fait plus peur pour l'avenir de l'Occident, sérieusement. C'est fou. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur magazine. C'est des espèces de quiz, genre. Quel genre de martyr es-tu? 5 trucs tendance pour porter ta Kalachnikov. Puis tu sais, il y a une couple d'années, ils faisaient des vidéos promotionnelles aussi, État islamique. Puis c'était fou, c'était tellement beau, c'était tellement bien léché. Il y avait une super belle image. T'as l'impression de checker un clip de rap, man. Avec bien sûr les femmes puis l'alcool en moins. Fait que tout ce qui reste, c'est les guns puis l'homosexualité latente. Non, sérieux, si ça avait continué, j'aurais l'impression qu'on aurait vu des vidéos où t'as des terroristes qui font le party en slow motion sur la tune I've Jihad, The Time of My Life. La version interprétée par Shariana Twain. Une clap de jeu de mots, man. C'est juste à douteux que tu peux avoir une clap de jeu de mots. C'est fou, je... Mais on vit vraiment dans une époque où il y a plein d'attentats. Je sais jamais comment réagir sur les réseaux sociaux après qu'il y a eu un attentat. Je sais pas si vous... Il y a beaucoup de gens qui partagent des espèces de dessins d'espoir. Tu sais, après les attentats de Paris, il y avait un dessin de la Tour Eiffel dans un symbole de signe de peace. Après les attentats de Bruxelles, il y avait le mannequin piss qui urine sur de la dynamite. Mais ça, ces dessins-là sortent donc bien vite après un attentat, Chris. Je savais qu'il y avait beaucoup d'illustrateurs au chômage, mais quand même, là. Je pense qu'il y a un illustrateur creepy qui s'est dit... Il y a clairement un filon, là. Il s'est pris des livres de tourisme, puis il s'est fait un portfolio avec des dessins de symboles de ville avec des attaques avant même que ça arrive. Le Statue de la Liberté qui fait un fuck you. Le Golden Gate Bridge qui va vers le paradis. Le stade olympique qui vient d'exploser avec plein de Montréalais qui dansent autour. Est-ce que... Tu sais, quand il y a eu les attentats de Paris, est-ce que vous aviez mis le drapeau français en transparent par-dessus votre image? Il y a beaucoup de gens qui avaient fait ça. Je veux pas bâcher, c'est juste bizarre parce que le but de ça, c'était de montrer son deuil. Mais il y a beaucoup de gens qui ont même pas pris la peine de changer la photo de profil en dessous pour que ça soit approprié. Fait que tu te ramasses avec un drapeau français par-dessus l'image d'un gars sur un 4 roues en chess qui boit des bières. Comme ça, tout le monde sait qu'il aime vraiment beaucoup Paris et sa cousine. On comprend tout de suite qu'il est antiterroriste mais pro-beer pong. C'est quoi ces photos-là? Guys, Chris, forcez-vous. Même moi, ces photos-là, ça me donne envie de détruire l'Amérique. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des gens qui étaient un peu trop intenses, en fait, qui mettaient des photos de touristes d'eux à Paris. Comme si ça montrait que t'étais plus en deuil parce que t'as une photo de toi avec un béret devant l'Arc de Triomphe. C'est à peu près aussi approprié que mettre une photo de toi qui mange du Paris pâté. Voyons donc. Je sais qu'on s'en allait avec ça. Arc de Triomphe. Ouais, c'est ça. Les gens qui mettent des photos de touristiques d'eux à Paris, ça envoie un message très clair aux terroristes. Qui est, on n'a pas peur. On va continuer d'aller à Paris puis prendre des photos de nous qui fait ça devant la Tour Eiffel. Parce que ici c'est l'Occident, puis y a personne qui va nous empêcher de prendre des photos où on fait des effets de perspective devant des sites touristiques puis de mettre ça sur Internet. Parce que c'est ça la liberté. Toujours tout rapporté à soi, même des actes terroristes. C'est fou. J'ai l'impression qu'on utilise les réseaux sociaux surtout pour essayer de prouver qu'on est des bonnes personnes. Puis je le fais beaucoup. C'est difficile dernièrement de savoir quand tu fais une bonne action si t'as fait pour les bonnes raisons. J'ai l'impression d'être une bonne personne, mais je trouve que ça paraît pas assez sur les réseaux sociaux. T'sais, des fois, je regarde ma photo de profil, je regarde mes photos de profil, je me dis, ça manque vraiment de photos de moi avec des enfants noirs. Mais je sais pas où en trouver, je peux pas aller en Afrique. Ça existe-tu une agence de location d'enfants noirs? C'est clair que ça existe, sinon comment il fait Bono? Hein? J'ai un ami qui j'ai vu ça sur Facebook dernièrement. Il a accueilli des réfugiés syriens. Ok. Je pense pas que c'est accueilli le mot que je cherchais, mais puis ça a été vraiment incroyable la quantité de likes qu'il y a eu après ça. La dernière fois que j'ai vu une bonne action se propager autant sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo de Jérémy Demey à Noël dernier. Je sais pas si vous vous rappelez ça. Où il avait donné plein d'argent à des sans-abri. C'est une vidéo super touchante sur l'entraide. Où il y a plein de sans-abri qui se mettent ensemble pour l'aider à faire la promotion de son spectacle. Je trouvais que mon ami avait scoré fort avec les réfugiés syriens. Fait que j'ai voulu faire la même chose. Ok. J'ai fouillé un peu sur Internet. Puis j'ai trouvé une famille de Syriens qui ont accepté de venir souper chez nous. C'est un couple avec un petit enfant de peut-être 8 ans, tellement poli. Première chose qu'il fait quand il arrive chez moi, le petit gars, il enlève ses souliers. J'ai trouvé ça tellement cute. Même si je t'avoue, j'étais un peu déçu de voir qu'il y avait des souliers. C'est un peu ça le but, il faut que je puisse faire des cadeaux. Fait que j'ai dit non, garde tes souliers, t'as pas besoin d'enlever ça, garde ça. Poster une photo de lui qui rattache en souriant. Avec le caption, mon nouvel ami, très content de ses nouvelles chaussures. J'ai fait le tour de la maison aux parents. Je leur ai dit, prenez ça relax, installez-vous dans le salon. Hein? Profitez du silence, l'absence de bombes. Je m'occupe du reste. Il y a un petit moment de malaise. C'est eux qui m'ont dit, sont Syriens, mais sont ici depuis 12 ans. Ils sont pas réfugiés, ils ont même pas vécu la guerre. De quoi j'ai de l'air, moi, à cette heure? J'ai annoncé un live Facebook dans 20 minutes avec mes réfugiés syriens. Hein? J'ai comme 400 amis qui attendent juste de liker les photos de cet enfant-là pour sentir qu'eux aussi contribuent. C'est fou. Pas réfugiés syriens, j'y croyais pas au début, mais je les ai testés, man. Il y avait même pas de syndrome de stress post-traumatique. J'ai passé la soirée à claquer des portes, c'est à peine s'ils sursautaient. C'est pas réfugié. J'ai trouvé ça malhonnête de leur part. Ils devraient savoir que quand tu dis Syrien, les gens pensent automatiquement réfugié. En fait, si t'es pas réfugié, peut-être tu devrais pas avoir le droit de dire que t'es Syrien. Ah, mais sérieux, hey, la Syrie, on n'entendait jamais parler avant la guerre civile. C'est ça qui les a mis sur la map. C'est un peu comme leur Expo 67. Hein? Je sais qu'on s'en allait avec ça. J'étais vraiment déçu. Moi, j'avais préparé un setup pour prendre les photos, tu sais. J'avais acheté un petit canot gonflable. J'avais de la suie pour mettre dans le visage du petit gars. J'avais préparé une guirlande écrit « En Syrie, on a peut-être pas le Père Noël, mais au moins, on a Colin. » Pour une fois dans ma vie, je voulais me sentir comme Justin Trudeau, tu sais. C'est des réfugiés que je voulais recevoir à souper, bon. Pas une famille arabe normale confortablement établie au Québec. Ça, j'en ai déjà plein dans le quartier, je leur parle jamais, t'sais. Ça a été dur. Ça a été une soirée difficile. Moi, je suis pas fier de le dire, mais j'ai craqué. Je me suis mis à pleurer. Ils ont été gentils avec moi. Ils ont apporté une couverture qu'ils ont mis autour de mes épaules. Ils m'ont donné une tasse de thé chaud. Ils ont été vraiment gentils, honnêtement. Pour des menteurs, hein? Mon point par rapport à ça, c'est que si vous rencontrez des réfugiés, faites attention. Non, si vous rencontrez des Syriens, faites attention à vos préjugés. Puis exigez de voir leurs papiers de réfugiés. Parce que sinon, vous vous ramassez avec du monde super nice chez vous, mais qui répondent pas du tout à votre besoin de vous sentir important. Je vais vous laisser avec quelque chose de moins lourd. Par applaudissement, qui ici a du sexe pendant les menstruations? Un peu de monde, mais pas tant que ça. Honnêtement, le ratio de gens qui ont du sexe pendant les menstruations à douteux est vraiment plus élevé que d'habitude. Mais c'est assez rare, puis c'est fou. Je trouve que c'est injuste, honnêtement, tu sais. C'est rendu la norme que les filles acceptent plein d'affaires sexuellement, mais si on a un petit peu de sang entre les jambes, « Ah, j'en couche pas avec, c'est dégueulasse! » Et puis quand est-ce que les gars ont aussi peur du sang? T'as des gars qui passent leur soirée à regarder « Walking Dead », mais s'ils trouvent un tampon usagé dans la plus belle toilette, ils sont comme « Ah! Linda! Tu sais que je trouve ça dégueulasse! Pourquoi tu fais pas comme je t'ai demandé? Tu l'enroules dans du papier de toilette, puis tu l'enterres dans le jardin pendant que je dors! » Je comprends pas pourquoi il y a des gars qui veulent pas coucher avec des filles menstruées, sérieux. C'est parce qu'ils sont incapables de voir du sang sur leur bite? Parce que personnellement, je trouve que ça donne un look badass à mon pénis. Avec son crâne chauve, plein de sang, on dirait Bruce Willis à la fin de Die Hard. Je vous laisse là-dessus, merci beaucoup. Colin Baudrillard, mesdames et messieurs. Je m'appelle Charles Beauchesne, je fais de l'humour depuis à peu près 6 ans. Bon, vous m'avez peut-être vu à la télé dans des espèces d'affaires random, genre à Canal D, puis en route vers mon premier gala, puis le reste des affaires qui sont destinées aux humoristes underground que vous verrez ou ne verrez pas dans le futur. Et j'écoute 70%. Ah ouais, c'est et j'écoute pour... 70%, merci, j'ai c'est... pas le choix de l'écouter. C'est pas pour parler de toi et trop, là. C'est... 70% et 100% en train de se passer en ce moment. Ouh, j'ai pas le choix. Je pense que je vais le garder, ce bout-là. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Merci à vous, c'était cool encore une fois. Merci au Brou, merci à douteux.org, merci à mes petits rejetons secrets, merci à tous les participants de cette belle tombola. Soyez prudents en vacances, lavez vos draps, voilà, soyez heureux, des bisous et tout de suite, un encan encore chouette. Merci à vous, merci beaucoup, je vous applaudis et c'est bien, voilà, merci, vous êtes cool. Applaudissez pas toutes en même temps, on va crisser le feu. Salut, es-tu en forme? Oui! As-tu passé la plus merveilleuse soirée gratuite de ton lundi? Oui! En effet, c'est la soirée la plus merveilleuse du lundi de la galaxie. En tout cas, de la galaxie connue, hein, parce que nous, les humains, on connaît pas toute la galaxie. Ceci étant dit, c'est le temps de l'enquête, hein, parce que nous, pour te présenter ce spectacle gratuit-là, ben, on fait un encan pour financer ça. Fait que, ben, on veut de l'argent pour ça, ça va être le premier lot. Attention, avant de faire le premier lot, juste ta gueule. Avant de faire le premier lot, je pense qu'on peut remercier notre VJ. Si mon cul sonnait. Merci, c'est cool. Pour une fois que la France nous présente autre chose que des scènes de baise et d'engueulade. Et voilà. Non, mais juste, puis elle dit des trucs chiants, puis elle est française. Voilà. La roue tourne! Voilà. Ces deux films, un excellent film qui s'appelle The Lost World, hein, Le Monde Perdu, 1960. C'est incroyablement bon. Les décors sont en carton. Tu veux que ça soit dans ta collection. Et t'as aussi ça pour paramétrer les choses, Blood Rain, je sais pas. Y a-t-il du monde qui l'ont vu? En arrière, c'est écrit « Only the dead survive. Half vampire, half human. » Moi, quand j'avais 17 ans, j'aurais trippé en tabarnak, loué ça au club vidéo. En attendant, je veux de l'argent pour ça. Hein? Ça commence maintenant à 2$. Qui dit plus? 3$ ici. 4$, quelqu'un l'a convaincu. 4$, tu dois collectionner les DVD. 4$ une fois. 5$, un fou. 6$, une française. 6$, une fois. 6$, deux fois. On rajoute un pixou marqué Noël en dessous. 6$, trois fois. Incroyable, mais vrai. Ça, je l'aurais mis sur des choses importantes pour moi. Voilà. J'ai... Baby, juste a l'air contente, la fille. Ça a l'air d'être comme une espèce de docteur, là, où tu enlèves des pièces, puis ça fait... Puis là, tu t'électrocutes. Je demande de l'argent pour ça. Et 2$, quelqu'un qui a l'air de vraiment savoir de quoi on parle. Écoute, c'est orange. 2$, une fois. 3$. Ça a l'air de ça. Un pique-nique. 3$, une fois. 4$, chandail rouge avec barbe. 4$, une fois. 4$, deux fois. Il y a des scènes variées. 4 $ trois fois, voilà. Vendu. Décalisse avec ça. Il y a des trous dedans, ça a l'air tout croche. Pour une dernière fois de notre vie, là, on regarde les yeux de la petite fille. C'est la 8e fois qu'on vend le lot à l'encan, puis c'est la première fois que quelqu'un donne de l'argent. Fait que ça devrait partir. Ouais, elle a l'air contente, la petite fille. J'imagine qu'on va la revoir. Et voilà. Le lot de résistance, ça a célébré un anniversaire il n'y a pas longtemps. On parle bien sûr des Harry Potter. Voilà, c'est écrit, là, je tiens à te spécifier, c'est écrit en arrière du livre à partir de 10 ans. Je veux de l'argent pour ça. 2 $ ici. 3 $. Écoute, c'est l'école des sorciers et la chambre des secrets. Combien t'as dit? 3 $ ici. 3 $ une fois. Ils sont complets, hein? Tous les mots sont dedans. 3 $ deux fois. 4 $ ici à quelqu'un. Non, mais tu sais, on fait un encan, fait que vos gueules. Combien t'as dit? 4 $ une fois. Le loup-garou a dit 4 $ aussi. Non, mais il fallait que t'écoutes. 4 $ deux fois. 4 $ trois fois vendu! 2 $ chaque, j'y crois pas. Alors, je laisse le micro à... oui, attention, non, on a un dernier lot ici. Je sais pas, peut-être que tu peux venir parler de ton œuvre. Alors, vas-y, parle-nous peut-être de cette œuvre-là que tu as faite. J'ai pas grand-chose à dire. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant que vous autres, vous étiez là, pendant que moi, j'étais là. Puis, c'est ça. Je sais pas quoi dire. C'est une espèce de freak show. Moi, freak show, Amsterdam, ça fait pas mal freak show. T'as le petit gros que tu... On sait pas, en fait, si c'est une fille ou un gars, mais whatever. Il est petit puis il est gros. Puis là, t'as le grand Jack, tu sais. Puis là, ben... De la fille, qu'on sait pas trop si c'est une fille ou un gars, mais en tout cas, elle a des seins qui pendent, puis elle a un œil au lieu d'une face, puis. Puis, c'est ça. Ben, ça commence les bides à n'importe quoi, là. Il n'y a pas de. Oui, poser la question du fractal, c'est y répondre. Je veux pas. Merci Anna. C'est Anna, c'est l'artiste. Oui, on peut l'applaudir. Ah, il y a un 10 $, c'est généreux, mais pas assez. Alors, non, mais c'est quand même un truc original que tu peux mettre chez vous. 10 $ une fois. 15 $ ici. 20 $ ici, quelqu'un qui apprécie l'art. 21 blocs si Tommy décalise pas le tableau. 21 blocs une fois. 20 et... bon, ben, non, mais ça c'est 21. 21, 22, 25 $ ici, quelqu'un qui comprend enfin l'enjeu. 30 $, oui. Quelqu'un qui doit avoir un emploi à 30 $ une fois. 30 $ deux fois. 35, voilà. Son patron, 35. 35 $ une fois. 40 $. 40 $ ici. Enfin, on commence à saisir que... voilà, la toile vaut quoi? 60. 40 $ une fois. 40 $... deux fois? 42! 42 $ une fois pour cette merveilleuse toile faite par Anna. Suivez-la sur Facebook, Twitter, 42 deux fois. 45! Vendu. 46! 46 une fois. 46 deux fois. 46 trois fois vendu, voilà. Bon. C'est ça, c'était l'encan. Moi, je décalisse, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et sinon, ben, c'est le tour de Atomy Godette de parler. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. On a encore parlé de philosophie tantôt avec lui sur 70%. Vous étiez pas toutes là, mais l'épisode de ce soir, c'était quand même quelque chose de particulier. On a reçu Seb et Baz. Ça a été un plaisir incommensurable. J'ai beaucoup aimé leur clip. J'ai une très belle soirée jusqu'à maintenant. Donc, juste avant qu'on se sauce dans ce qui se veut le clou de ça, on va en parler un petit peu. Le film qu'on va écouter, c'est surtout l'œuvre d'un gars qui s'appelle John Stewart avec un H entre le O et le N. John Stewart, c'est une légende à Hollywood quand vient le temps de faire des cascades. À un moment donné, il a eu un budget, puis il a fait un film qui s'appelle Action USA. Tout ce qui se passe dans ce film-là, c'est des prétextes pour avoir des cascades nouvelles. Hey Vic! C'est ça? Mettons que vous étiez dans le fond et que vous parliez fort, ça me dérangerait moins, mais là, vous êtes juste là. C'est ça. Je vous reviens dans pas long, ça va être super cool. On va checker votre affaire. John Stewart, c'est un cascadeur expert, une légende dans le domaine. Il a eu un budget à un moment donné. Il a fait un film dans lequel toutes les séquences sont des prétextes. Dans le film qu'on y a là, il y a encore 3 records des défis Guinness qui sont dans ce film-là. Le seul que je me rappelle, c'est la plus haute chute par un cascadeur en feu. Et c'est vraiment pour rien que ça arrive dans le film. Mais ça arrive quand même. Et l'histoire est vraiment pour rien. On est autour de -8,3 selon moi. C'est un excellent long métrage. La première fois que je l'ai regardé, j'ai pesé pause pour aller pisser. C'est rare que je fasse ça en hostie, tu sais. Il y a quelque chose à chaque séquence. Et voilà, John Stewart, c'est un mot à se rappeler, à faire des recherches sur le Wikipédia. Il y a quelqu'un qui va passer la boîte dans laquelle votre change va permettre aux hélicoptères d'exploser. On est là lundi prochain encore. Et on vient de finir les fêtes importantes comme celle de la France, du Canada. Ah non, c'est la France bientôt. On a pensé à ça. Hey, merci, mon nom c'est Tommy. À tantôt. Bye. Thank you.